Wesh cousin, c'est MC Tu Kiffes, le rappeur qui casse tout. Et moi j'écoute Actu Solide le lundi soir parce qu'il y a du bon son, t'as vu? Tout le monde écoute Actu Solide. Actu Solide sur Indestar. C'est foué. Bien le bonjour les amis. Ouais. Le public en délire. Ouais. Il te coûte un, hein. Il est là le public, il est là. Ça y est, on l'a perdu. Un ça public fait, aussi ça... nombreux que fidèle. Ça fait 10 secondes qu'on a commencé, on t'a déjà perdu quoi. Non mais je me dis que ça ne marche pas si vous êtes sur le site internet et que vous avez cliqué sur le petit bouton Twitch pour aller nous voir en live, parce que l'illusion d'un public marche vachement plus en audio qu'en vidéo. Peut-être. Bah oui, si vous voyez le studio, vous voyez qu'il n'y a personne. On est c'est pas faux. Trois. On est trois. Mais on est les trois meilleurs. Voilà, et puis on va rigoler. Bah ouais. Ça va pas nous empêcher de s'amuser. Bono. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ouais, ça va. Oui, c'était un week-end de Pâques. Il y a eu trois jours, enfin deux jours de week-end en vrai pour moi. Et je suis content. Le dimanche plus le lundi. Moi, j'ai même pas eu mes œufs de Pâques. Bah moi non plus. Moi non plus. Et Indestar aurait pu nous offrir des œufs de Pâques. Ah, c'est pas con ça. On y pensera l'année prochaine. En ce moment, ils sont à moins 30% parce que tu vois, le Pâques il est passé. Ah, mais ça c'est un bon plan. Et ben la semaine prochaine, si on faisait un Pâques la semaine prochaine. Et attends. Mais en plus, est-ce que. Ah, venez. Quoi, c'est le Pâques du pauvre. Le Pâques de Réduc, tu sais, le mec qui profite après. Vas-y, tu payes. Ah, bah oui, évidemment. Et je t'ai payé un. Et mercredi prochain. Ouais. On invite deux personnes. Qui vous voulez, ou une, ouais, ceux qui veulent t'es venir. T'es ambitieuse, toi. Et on fait une putain de chasse aux œufs dans le studio. Ah, genre en record? Ouais. Ouais, une chasse aux œufs. Oui. T'as les mecs qui font. Qui se disent le Pâques est passé déjà, tu vois, ça fait deux jours. Et nous, on a une idée pour la semaine prochaine. Pour Pâques. C'est Pâques 2023, les gars. Mais vas-y. Non, mais oui, on fait ça. Si allez, tu on veux. Fait ça. De toute façon, c'est trop tard, je l'ai dit. D'accord, parce que tu l'as dit, c'est entériné, ok. Eh ben oui, on prendra. Je vous promets, on prendra que des chocobons et des Kinder Surprise. Attention avec les Kinder. Oui, bah c'est pour ça que je dis ça. Attention. Non, mais normalement, ça va. Mais il peut y avoir des restes de salmonelle, quoi. Non, normalement, c'est passé. Normalement, tous les. Bon, bah tout va bien alors. Et en plus, on les aura en réduc. Ouais. Oui. Non, mais on va acheter des petits chocolats, ce sera mignon. Oui. Alors pourquoi Pâques, justement, t'as fait des choses? Oui, avec Anaïs, on a été chez notre grand-père. Oui. Moi, j'ai bossé samedi. Oui, moi aussi. Ça moi, peut te rassurer. J'étais en vacances vendredi soir. Et ouais. Là, je suis en vacances actuellement. Oh là là. Et ça passe tellement vite. Non, mais il me reste encore 4 jours. T'es là pour nous dégoûter. Non, ça passe trop vite, je suis désolée. Tu ne dis pas, il ne me reste que 4 jours. T'as dit, il me reste encore 4 jours, les gars. Non, t'as vu de la façon dont tu le dis, ça veut dire genre j'ai le temps. Franchement, je profite de mes vacances. Non, mais ça trimer. Va. Non, ça va passer trop vite. Ouais. Et pendant 6 mois, j'ai pas eu de vacances, monsieur. Et toi, tu me disais, oh, j'ai des vacances pour Noël. Oui, bah ta gueule, moi, j'ai pas le droit d'en prendre pour Noël. C'est vrai que j'ai eu des vacances pour Noël. Jamais de ma vie, j'aurais le droit d'avoir des vacances. Monsieur. Bah moi aussi, j'en demande pour Noël. Un jour, quand tu te reverras ça, t'auras le droit. Allez, go. Non, d'abord, faut que je fasse 3 gamins quand même. 3 gamins? Oui, il paraît que ça va partir. Ah, de pour 3. Avoir beaucoup de, bah, d'allocations. Oui. Et le mieux, c'est t'en fais 10. Ah bah, ouais, enfin 10, ça commence à te coûter ça, cher. Ça, c'est une équipe de foot. Hein. Ah, c'est une équipe de foot. Ouais. Non, oui, alors ce week-end, vous avez été chez votre grand-père. Et vous avez fait de la pêche. Pêche. De... Et vous avez fait chez quoi? Et une carpe. Boules. Une carpe? Ouais. Ok. C'est le mec de ma mère qui a pêché une carpe. Ok. Il l'a mangée? Bah non, on le repose dans l'eau. Je comprends pas. Oui, moi non plus, je ne vois pas l'intérêt de pêcher bah pour oui. les remettre à l'eau après. Est-ce qu'un chasseur qui chasse le tue et le laisse repartir? Le laisse repartir. Hop, résurrection. Non, mais après, c'est une passion comme une autre. Mais oui, je vois pas l'intérêt s'il y a pas de. Bah, tu pêches, tu manges quoi. Mais tu vois, mon copain il est pareil, c'est pareil. Il va choper des poissons pour les relâcher après. J'ai pas compris. Faut bien qu'ils se reproduisent et qu'il y ait beaucoup plus de poissons dans l'eau. Bah ça sert à rien parce que tu les repêches et tu les relâches. Et en plus, il y en a après, elles sont abîmées. Bah oui, en plus, ils ont un hameçon dans la gueule, les pauvres. Oui, mais ça se referme vite. Ouais, ils vont chez le dentiste. T'as vu l'attente pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, chez les humains? Alors, t'imagines chez les poissons. Ah oui, quand t'as beaucoup de pêcheurs dans l'étang. Elle dit, oui, j'ai fait une rage dedans il y a pas longtemps, oui, tu vois, je suis au courant. Mais justement, c'est pour ça que je m'adresse à toi, parce que je sais que t'es habitué des dentistes. Arrête, j'ai eu 5 rendez-vous. Tu kiffes les dentistes, hein. Ah ça y est en fait ça va mieux. Tu sais que j'ai flippé ma race puis un moment je vous raconte toute ma vie hein, on est oui, à la radio. Oui bah on est à la radio, c'est pas pour ça, ça j'ai, reste j'ai entre fait, nous hein. J'ai fait un malheureux chèque de 824 euros, tu vois, rien. Chez le dentiste du... Voilà ouais. Ouais. Rien du tout, tu vois. T'as été remboursé quand même un peu. Non mais j'ai flippé parce qu'en fait ils ont mis 2 semaines et demie à me rembourser la mutuelle. Ouais. Et je me suis dit putain, au moment où il va me rembourser, ça se trouve ils vont me rembourser mais tard. Mm-hmm. Et genre 824 euros, c'est quand même un gros trou dans le budget. Oui. Je me suis dit ça y est, Amélie a découvert à 450 balles. On finit bien le mois. Tu sais que j'ai eu à peu près la même facture chez le garagiste. J'attends que la sécu me rembourse. Non, pas gagné, quand tu sais qu'on doit te rembourser, tu vois. Et en fait, ouais, j'ai eu de la chance. En fait, ma mutuelle vient de me payer. Ouais. Mais sauf que le dentiste n'a toujours pas enlevé le chèque. Ah, donc ça veut dire que tu as plus. Je suis richissime, hein, mais je sais que dans bientôt ça va bloque partir. Tes comptes. Tu ne toucheras pas à ça, tu connard. Tu ne toucheras pas. Voilà. Et du coup, j'attends qu'il me retire l'argent, mais c'est un peu stressant, tu vois. Je suis là en mode, mais retire-le-moi maintenant, tu vois, comme ça je suis tranquille, machin. Ouais, alors que sinon tu te dis que tu vas le dépenser. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est chaud. Tu vas te faire un bon resto avec une bonne bouteille, hop, plus rien. Quoi. plus rien. Bon, ce soir, vous savez que maintenant vos noms résonnent chez tout le monde, hein. Ouais. Chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit un meurtre, une bombe, un vol, il m'appelle pour que je vous envoie sur place. Et cette semaine, c'est le parrain qui m'a appelé. Alors au début, je croyais que c'était le Christian, ton parrain. Oui. Ouais, non, je sais, c'est Cyril le tien. Il a demandé à Antoine. Que je connais toute la famille, qu'est-ce que tu veux. Non, non, là, c'est le vrai parrain, c'est celui du film. Tu sais que tu fais flipper quand même. C'est vrai. Là, je suis en train de me dire, il a eu tout notre CV là. Je connais la couleur de ta culotte. Elle est léopard bleu. Léopard bleu. Donc, vous allez à Long Island, près de New York. Je vous ai pris des billets. Par contre, c'est un aller simple parce que c'était moins cher. On fait des économies chez Indestar. Et on fait comment pour repartir? Vous démerdez, c'est pas mon problème, ça, cette histoire. Allez donc chez le parrain et résolvez-moi cette affaire, s'il vous plaît. À New York, à côté, à Long Island. D'accord, donc on prend l'avion. Allez-y, avion. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'aéroport de New York City. La température extérieure est de 400 degrés. Comment merci d'avoir choisi New York Airlines. A bientôt dans notre compagnie. A bientôt dans votre compagnie. Entrez, bienvenue chez le parrain. Un whisky, mes amis. Une bière. Bon. Et vous savez, l'heure n'est pas à la rigolade. L'heure est... comment on dit déjà? À l'heure. L'heure est... Venue. Non. L'heure est... L'heure est arrêtée parce que Giorgio, il a pas remis la pendule à l'heure. Bref, un petit peu de coke. Non, plus, d'accord, ok. Cléro. Je pense qu'on veut faire du mal à la famille. Oh. Eh ouais, demain je marie ma fille. J'y tiens comme la prunelle de mes... Yeux. Non, comme la prunelle tout court, c'est de l'eau de vie. Qu'elle est bonne, ma fille. C'est comme ma fille. Oui, bref. Ce serait regrettable à ma fille qu'il lui arrive quelque chose. Je compte donc sur vous pour rester vigilant. Un revolver? Même deux. Assurons-nous. Et prenez soin de ma famille. Parce que la famille... C'est sacré. C'est sacré. Et comme on dit, prendre soin de la famille, et la famille prendra soin de vous. Oh, c'est magnifique. Bonne chance. Magnifique. Merci. Ça me donne envie de pleurer. On va faire... Elle est plus là, le parrain. On peut pas rester sérieux dans cette émission, c'est un truc de fou. Hein. Donc en fait, faut qu'on surveille juste sa fille avant le mariage. Qu'il lui arrive rien. Ouais, bah j'ai l'impression qu'il est, potentiellement il pourrait arriver quelque chose pendant le mariage. Donc il va falloir que. Qu'on sache ce qui va se passer avant le mariage. Bah ouais, ça si, serait bien. S'il va se passer quelque chose. S'il se passe quelque chose, ça se trouve, il se passe absolument rien. Ça se trouve, ce sera juste des cotons. J'allais dire des cotons-tiges, non, c'est. Comment on appelle ça? Tu sais ce que tu lances là dans le. Ouais, enfin si tu veux, mais c'était pas du. Ce sera du quoi? Non, rien. Des confettis. Des confettis. Ouais, c'est bien, des confettis. T'arrives à mélanger confettis et coton-tige? Ouais, bah à un moment donné, on est fatigué, ça va. Ouais, c'est bon, bref, vous avez une grosse affaire à résoudre encore ce soir parce qu'il peut en arriver des bricoles, comme on dit. Donc, on compte sur vous pour tout simplement. Ah, expression à utiliser pour un prochain. Arriver des bricoles? Ouais, c'est non, je pense pas. C'est pas vraiment une expression. Elle voit des expressions partout maintenant qu'elle fait ça. Expression. Expression. Mais avant, on va relâcher un peu la pression et on va peut-être un peu chanter. Ça va nous faire du bien parce que le parrain il nous a un peu fait flipper. C'est le parrain. Non, c'était choupinou. Ouais, tu vas voir, ils sont révoltés. On a déjà un mafieux la dernière fois. Lui, il les faisait flipper. Hein. Bah, le parrain, c'est un mafieux aussi, tête de chien. Je sais, mais. Ouais, mais c'est un parrain gentil, lui. Le parrain gentil, quand tu dis mafieux, c'est mafieux. Bon, allez, on joue là. Ouais, jouons. J'ai entendu un blic. Ouais. Le chant des migraines, et un aspirine. Deux. Alors, quel est le principe, mademoiselle Anaïs, du chant des migraines? Alors, C'est absolument très simple. D'accord. Attends, parce qu'en fait, elle mais elle prend son calepin pour relire la consigne. Alors, là, cette fois-ci, je vais vous proposer des titres de chansons. Ouais. Et vous allez me la chanter directement. Vous ne buzzez pas, vous ne levez pas la main, vous chantez. Non, gueule, c'est le principe de l'émission. Oui. Je voulais dire un autre truc. Ah oui, c'est des musiques années 80. Ok. Et mais c'est facile. Tu prends son année, frère. Bah oui, c'est vrai, mais la prochaine fois, je prendrai les années 2000. Décennie. Tiens, les années 2000. Voilà, j'étais né aussi, j'ai grandi dans les années 2000. Nous aussi, on avait toute mon adolescence. He was a boy, she was a girl. Bref. Je tiens à préciser, baissez bien vos écouteurs. Oui, vous parce en que... avez, parce que là, ça va monter, ça va monter dans le volume. Et ça va monter les décibels ce exactement. Soir. Exactement. Les filles qui vont arriver est-ce au bout du studio. Tais-toi, est-ce que vous êtes prêts pour le premier titre? On me respecte pas. Prêt? Oui. Banana Split. Banana banana banana Split. C'était Lio. Banana Split. Ouais, c'est ça. 1980. Ah ok. J'étais pas né. Comme le poisson. Ok. Va te coucher. La groupie du pianiste. Ah putain, je l'ai plus celui-là. Ah putain. Je le connais mais je l'ai plus. Ah attends. Je sais même plus qui c'est la groupie du pianiste. C'est la groupie du pianiste. Michel, c'est un Michel. Mais si, c'est la groupie du pianiste. Non, là tu inventes. Non, c'est ça. Non, elle a le rythme et elle a pas les paroles. Bah si, j'ai les paroles, je viens de la dire. Pour une fois qu'elle a le rythme, parce que même quand elle connaît la chanson, normalement elle a pas le rythme. À part le titre, tu connais quoi comme parole? Mais je tiens à te faire le rythme. Non, t'as un zéro. Mais non, j'ai fait le rythme. Non, t'as zéro. Mais moi je veux une ou deux phrases. C'est pas nanana. C'est pas, c'est pas des paroles, ça. Attendez, meublé, je suis en train de chercher les paroles. Oui, sur... j'ai pas mes à toi non plus, tu les as pas, on est d'accord. La groupie du pianiste. La groupie du pianiste. Et je suis sûr qu'à un moment donné, elle fait la la la la la la la la. Ça me parle pas du tout, par contre. À un moment donné, c'est dans la version longue. Mais c'est ça, Nino, attends. La groupie du pianiste. Attends, elle passe ses nuits sans dormir. Tu sais quoi, déjà, le rythme. Vas-y, attends, moi, je te le dis, moi. Bon, vas-y. J'avoue qu'elle a quelque chose. Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la groupie du pianiste. Bon, on j'avais passera raison. Sur la prononciation exacte, mais ça va, oui, ça va. Ça va. Les mots étaient revenus au début. Ok. Ah putain. Troisième titre. Il jouait du piano debout. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là avec nous. Malgré tout. Allez, ah, malgré tout. Je l'ai commencé à le dire, j'ai dit malgré mais non, nous, parce que t'as dit nous. Bah, ça va. On dirait, tu sais, des gamins. Bon, tu vas pas regarder sur Google toutes les... Prochain titre, les gars. Une autre histoire. Et en même temps. C'est un beau roman, c'est une... Non, c'est une belle histoire, ça. Là, je veux celle de Gérard Blanc. Ah, moi, c'était Gérard... Une autre histoire. C'était un... Si, tu l'avais, Amel. Michel, là aussi. Et on démarre une autre histoire. C'est quoi, ça? Et on prend un nouveau départ. Oh là là là, tu connais là pas là ça là là là. C'est pas le son de votre radio qui est mauvais, hein. C'est vraiment Amel. Hein. En fait, tout à l'heure, on chantait dans la voiture et je me suis dit, pourquoi j'ai une voix aussi merdique? Genre, j'y peux rien, genre j'ai une voix grave. Une voix rock. Un autotune embarqué. Non, c'est pas le fait que t'as une voix rock qui me gêne. Arrête, j'ai une voix de garçon. Oui, mais c'est pas ça qui me gêne. Non, tu pourrais me soutenir et me dire oui, non? C'est le non, rythme. J'aime bien les voix un peu un peu rock. Genre qui font pas féminine, quoi. Genre, donc si tu parles comme non, ça, c'est mort. Y a pas de voix féminine ou pas. En fait, j'aime pas trop les voix trop criardes. J'aime bien les voix comme toi. Ah bah, c'est mais moi. J'aime bien les voix justes aussi. Attends, mais je ne comprends pas. T'aimes pas les voix trop criardes? Elle fait quoi, longueur de journée? Non, les voix trop criardes dans le sens trop pégus. J'ai ramené comme ça. Je suis désolée si vous avez une voix hyper aiguë, mais j'aime pas trop ça. Tu sais les voix. Non, mais je m'apprends vraiment. Ah ouais, j'avoue. Et d'ailleurs, vous savez, je travaillais dans un magasin. Ouais. Et il y a une dame, en fait, elle me parlait, genre elle était maman machin, mais elle avait encore sa voix de petite fille. Ah, c'est drôle. Genre j'avais l'impression qu'elle avait 3 ans. Mais j'ai voulu rigoler, mais c'est pas de sa faute, ah, tu oui. sais. Mais j'aurais trop aimé d'avoir encore. Vous mais en même temps. Sur mais... les beefsteaks. C'est insupportable. Ah bah j'avoue. Mais après mais c'est pas de sa faute. Tu vois, je préfère ta voix. Mais ouais. Tu vois, t'as une belle voix quand même. Bah oui. Mais fausse. Pour une personne de la population. J'avoue que j'ai dit à Anaïs tout à l'heure quand on chantait Excalibur dans ma voiture. C'est magique, l'île, les ailes de mon père. Ah. Et ben je me suis dit, j'ai vraiment une voix dégueulasse. Alors là, en plus je fume, alors ça arrange rien les choses. Ah non, mais là le. Dans 10 ans, les gars, je parle comme ça. Oui, ça fait comme ça. Mais regarde, Janis Joplin, elle avait une elle fumait non, beaucoup. On n'est pas encore dans le même monde là, je connais pas. Janis Joplin. Il n'y est pas. Hello, what about me? I'm Mercedes Benz. I'm fresh on travel shoes. I'm on smiling. Ah, ça me parle, hein, ça me parle. Hein. Non, non, tu veux pas qu'on continue à chanter? C'est ce que j'ai en train. Une chanson qu'on connaît. Allez, Nua. Ok. Dernier titre, les gars. Amy Winehouse. Wake me up before you go go. Oui. Wake me up before you go go. Na na na na na na na na. Wake me up before they go go. Mais vas-y, il connaît même pas. Il a dit que les paroles du titre. Ouais, mais en même temps, c'est anglais. Et... ouais, mais il a rajouté. Je l'ai dit carrément dans le thème. Ouais. Non, dans le rythme. Dans le rythme. Non, ouais. Mais je l'accepte. Oui, bah bien sûr, tu moi, je vous aime toutes et tous. Et tous. Mais j'ai quand même gagné. Non, on a égalité. C'est quoi la règle? Dans ce jeu, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de perdant. Et bah moi, juste après, il y aura un perdant, il y aura des perdants et un gagnant. Dans question pour un concon. Mais juste avant, on écoute. Rena Dalcide a mis un cover de Pure Prairie League. C'est marrant ça, je connaissais pas. Et là, vous pouvez me féliciter parce que là, j'ai tout balancé d'un coup. D'un seul coup, d'un seul. Bravo, Amel. Merci. Tu pourrais presque être animatrice radio sur Indestar. Oui. Et même chez ActuSolid, parce qu'il manque de personnel, faut qu'on recrute. C'est ça, recrutons. Dupliquons-nous, on a déjà dupliqué des sœurs là. Voilà. Continuons dans le même thème. Moi tu sais, genre j'écoute, mais je suis là en train de me dire quand est-ce qu'ils vont me faire un signe pour lancer la chanson, tu vois. Et bah, lançons la chanson. On t'attend, nous, on attend, la France t'attend. ActuSolid sur Indestar, quoi d'autre? Enfin, un café, Georges. Bah, un café, Georges. What else? Et encore beaucoup de choses. À tous ceux qui sont en manque de comté, donner du fromage est notre spécialité. Si tu sais pas quel fromage sélectionner, Yuchi's est là pour te faire déguster. Yes, et si chez Yuchi's on connaît pas la crème, c'est bien connu, les grands sages kiffent tous le fromage. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et rejoins-moi chez Fromagesse. Et ta vie, ils disent la même chose que dans notre jingle, hein. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà, c'est une chanson sur le fromage. Oui, moi qui aime pas le fromage. T'aimes pas le fromage? Si, bah, t'aimes le fromage. Je suis pas fan de fromage. Mais elle aime pas les fromages qui puent. Vraiment, moi je te mange quoi? Je te mange au pire le soignon en bûche là. Ouais, c'est dégueulasse ça. Et je te mange le babybel et la vache qui rit. Ah ouais, t'aimes pas vraiment les fromages, effectivement. Ah non. Pas les vrais fromages. Ah non. Même les tartiflettes, les raclettes, tu vois, j'en suis pas fan. Genre, j'ai bouffé 2-3 tranches et terminé. Oh là là. Invite-moi une raclette, je te bouffe rien. Oh là là. Et bon, vous l'avez compris, ActuSolid sur Indestar, c'est bien nous. Écoutez, moi je m'en vais là. C'est bien nous jusqu'à 23h. On est en pleine forme. Ouais. Moi je suis en vacances donc tout va bien. Oh là là là là. Mais la semaine prochaine, je crois que je vais pleurer ma race. Bah oui, à un moment donné, faut bien travailler dans la vie. Voilà. Ouais. Voilà. Anaïs aussi est en pleine forme. Hein, ça elle m'a donné envie de bailler du coup. Et t'inquiète pas, tu vas aller pouvoir faire une petite sieste. Oui, c'est communicatif. Communicatif. Quand tu bailles, je baille, elle baille, nous baillons, vous baillez, il baille. Voilà. Waouh, quel bail. Ça, c'est un bail. Oui, du coup, je vais dire à tous mes camarades d'ActuSolid de bouger leur cul d'ici. D'aller faire la sieste. Nous allons faire la sieste. Et nous allons faire venir Henri et les trois candidats qui arrivent. Je suis déjà là, mademoiselle Amélie. Ah, dis donc, vous êtes aussi rapide que quand on baise. C'est ça, mademoiselle Amélie. Alors, ça peut pas être une bonne chose des fois d'être trop rapide. Attention. C'est très vulgaire ce que je viens de dire. Ah, on avait dit, je crois pas avant. Mais c'est vrai que non, il va me tuer. On va être en musique choquant. Après. Il va me tuer. Il va dire, t'as vu ce que t'as dit? C'est choquant. Bah, j'avoue, je suis un petit peu choqué, mademoiselle Amélie. Mais bon, j'assume. Allez, carte-toi de là. En route? Bah oui, en route. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour... Question pour un concon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, j'ai eu du mal. J'ai un cheveu sur la langue. Je suis excitée comme une puce. Bonsoir Henri. Bah bonsoir mademoiselle Amélie. Je rougis ce soir. Oui, je vois, tu es rouge comme une tomate. Comme une pivoine. Ah, je connais pas, une tulipe rouge. Une tulipe rouge aussi, ça marche. Voilà, une rose rouge. Une oui. On peut faire une coccinelle aussi. Oui, une fraise. Une fraise, une framboise à la limite. Par contre, si t'as autant de points de noir sur la gueule qu'une fraise, bon, c'est un peu chaud quand même. Bon, c'est bon, on a fini, on peut dire tout ce qui finit en is, en rouge, on s'en fout. Ce soir, question pour un concon, vous commencez à connaître un peu le principe. C'est simple, un jeu de funitude et de drôlerie. À chaque fois que je la sors, elle me fait toujours autant kiffer, ces deux mots. Ce soir, je suis excitée comme une puce. Ce soir, nous avons Isabelle à ma gauche. Bonsoir. Isabelle a les yeux bleus. Bleu. Et en plus, vous êtes à ma droite. Exact, c'est ce que j'allais dire avant Game Go. Et Isabelle, tout le monde l'appelle Isa Pavel. Et quand on la voit, on comprend pourquoi. Moi, j'ai envie de dire, la beauté, c'est subjectif. Hein. Après, nous avons... Pas là. Pas là, tout le monde est objectivement... pour le fait que vous êtes pas belle. Mais bon, pour le respect de cette émission, nous allons l'appeler Isabelle. Oui. Pas Isa Pavel, Henri, vous avez compris. Nous avons Adrien, il a 36 ans et cela fait 3 jours qu'il a arrêté de fumer. Et comment vous dire, évitons de l'agacer. Oui, bonsoir. Ça va, Adrien? Ouais, je suis un peu en mort, mais ça va. Oui, bah oui, c'est compliqué, je vous comprends. Moi, en étant fumeuse, c'est assez compliqué. Ah, la nicotine, ça me manque. Ah oui, mais je vous comprends. Et il y a une voix pervers, la nicotine, ça manque. Et on a Steven avec nous. Steven, il a 43 ans et il est atteint de stasophobie, la peur de rester debout. Ça tombe bien, chez Indestar, on est des feignants, on reste assis. Bien le bonsoir. Ah, dis donc, c'est un garçon assez friqué. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Oui, mais vous avez un certain charisme quand même. On mélange cher. Pas les torchons et les serviettes. Non. Expression du jour. Oui. Et ce soir a gagné Henri. Ah, a gagné. Bah, il faudra déjà pouvoir gagner quelque chose. Malheureusement, tous nos sponsors sont en vacances, mais nous avons quand même déniché quelque chose. Un œuf de Pâques. Alors, ça n'est pas un œuf de Pâques, c'est un œuf qui a été, enfin, qui est resté au frigo d'Indestar pendant quelques semaines, donc un œuf dur quelque part, avec peut-être un poussin à l'intérieur. Qui sait. Dans le frigo. C'est... Donc un œuf à poussin. On fait bien avec les gamins. Je sais que le QI n'est pas très haut ici, mais il me semble qu'il y a besoin de chaleur pour que ça naisse. Alors oui, bah, ça c'est les œufs du sud. Mais les œufs du nord, ils sont habitués à avoir froid. Et ceux du centre, c'est tiède. Et ouais, c'est un mélange des deux. C'est un bootleg. On passe à la première manche. Alors, trois candidats s'affrontent avec trois questions et trois propositions de réponses. À vous de me noter la bonne réponse en buzzant sur... sur l'ardoise, mademoiselle Amélie, sur l'ardoise. J'ai mélangé les deux, là. Je vois. Je suis excitée, je sais plus ce que je dis, je veux tout dire en même temps, il ne m'a plus. Ou on demandera à l'oral, d'ailleurs, à nos candidats qui sont à distance. Station sociale. Exactement, geste barrière, toujours les douanes. Première question. Au Moyen-Âge, comment appelait-on la tranche de pain sur laquelle on posait la viande et la sauce? Petit A, un tranchoir. Petit B, un bavoir. Petit C, un hachoir. Alors, on vous laisse réfléchir, bien entendu. Le temps que les cerveaux, que les neurones montent au cerveau. Moi, je suis convaincue que ça finisse par rouard. Mais je sais pas lequel. Un tiroir. Moi, je dirais le B. Alors le... Je dirais le B. Steven pour la réponse B. Que pense Nico? Oui. Adrien. Je dirais A. La A pour Adrien. Pardon, Nico, c'était oui. La semaine dernière. Et enfin, nous avons Isabelle qui pense B aussi. Ça fait ABB. Ah oui. Eh ben, c'était la réponse A. Un tranchoir. Bravo Adrien. Vous avez une première bonne réponse. Et je me suis dit, en plus, le bavoir, c'est vraiment genre le truc... Tranchoir, hachoir, bavoir. Je me suis dit, le bavoir, ça va être le truc genre que la personne ne répond. Et bah, pourtant, c'est... C'est de les aides en mettant deux réponses sur trois. Vous auriez pu Henri, mettre l'avoir aussi. Oui, c'est possible. Ouais. Question numéro 2. Comment appelle-t-on la chienne embarquée à bord du Sputnik 2? Ah oui, je la connais, celle-là. Ah. C'était pas ma femme. Non, vous m'envoyez pas encore au 7ème ciel, Henri. Ah. Un Agas, oui. Agas, ça serait son prénom. Oui. B, Malika. C, Laïka. Vous avez quelques secondes. J'ai l'impression que mademoiselle Isabelle a fait la réponse. Elle avait la réponse dans sa tête. Mais nous allons demander d'abord à Adrien. Qu'est-ce qu'il en pense, Adrien? Je dirais la B. La B pour Adrien. Et qu'en pense Steven? Moi, je dirais la C. La C pour Steven, et la bonne réponse était la... C. C, bravo. C'est Laïka. Eh ben, ça fait une bonne réponse pour Isabelle, et une bonne réponse pour Steven. Une égalité parfaite, moi je dirais. Égalité parfaite pour le moment, une bonne réponse pour chaque candidat. Et vous me faites pas chier, j'ai pas d'autres réponses aux questions. Question pour un concon. Question numéro 3. Combien de pattes peut avoir au maximum 1000 pattes? Petit A. 1000. 750. Petit B, 950. Petit C, 1350. Et après, question subsidiaire, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? J'ai jamais réussi à en trouver un pour les compter. Ah, c'est compliqué de compter. À votre avis. La B pour Isabelle. Que répond Steven? Steven, vous êtes là? La A. La A pour Steven. Ok. Et Adrien, vous en pensez quoi? Je pense pour la C. On a tout. On a du C, du B et du A. Donc nous avons la bonne réponse. Forcément. Et la bonne réponse était la A. 750 pattes. Bravo Steven. Vous êtes certain d'aller en deuxième manche. Mais quel sera le deuxième candidat? Pour le savoir, nous n'allons pas tarder à avoir une question subsidiaire que Nelson Amélie, la meilleure animatrice de tous les temps, est en train de chercher. Quand même. Question numéro 4. Comment appelle-t-on un sol fertile très riche en humus? Le humus. Ou le houmous. Il y avait peut-être des propositions. Oui. Petit A, la latérite. Petit B, la terre noire. Petit C, l'ergue. C'est comme l'herbe, mais on dit l'ergue. Latérite, la terre noire ou l'ergue? À votre avis, je vais poser la question à Adrien. Je dirais la B. La B pour Adrien. Et la B pour Isabelle. Et la B pour Isabelle. Et c'était la réponse B. On n'a même pas demandé à Steven ce qu'il en pensait. Il aurait répondu quoi, Steven? Je suis déjà qualifié, moi, je réponds pas à ces questions. Oui. Ceci passe au-dessus de moi. Bon, alors égalité parfaite, toujours. Une question subsidiaire de la subsidiaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la mangrove? Petit A, un animal terrestre. Petit B, un poisson des mers chaudes. Petit C, une formation arborescente dans les lagunes. Vous avez que 3 propositions, donc une chance sur 3 part de réussir. On vous laisse noter sur l'ardoise avant que je demande à Mademoiselle Isabelle. Vous avez marqué la réponse C. Qu'en pense notre candidat Adrien? Vu que je regarde beaucoup de documentaires avec le manque de nicotine en ce moment, je dirais la C. Mince. Et oui, c'était bien la C. C'était la bonne réponse, bravo, bravo, vous enchaînez les bonnes réponses qui n'arrangent pas Mademoiselle Amélie, mais nous avons forcément une question supplémentaire à vous poser. Oui, bah oui, ce subsidiaire de la subsidiaire et encore de la subsidiaire. Mais après, j'aurais plus de questions subsidiaires pour les 2 mois qui nous restent à faire. Subsidiaire, si je puis me permettre. C'est ce que j'ai dit aussi, je crois. Alors, où se trouve la mer de la tranquillité? Bah, pas ici en tout cas. Petit A, entre les îles de la Polynésie. Petit B, au golfe du pôle sud. Et petit C, sur la lune. Ah ah, attention. Avez-vous la réponse, Henri? Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui. On va attendre qu'il réponde. Je vous la donnerai. Hein. Alors, on a la B pour Isabelle. Et Nico, vous aviez la réponse? Moi, je dirais la A. Okay. Je suis pas sûr, mais on verra bien. Moi, je pense fortement pour la A. Non, c'est la C. C'est sur, c'est la, sur lune. La lune. Oui. Ah bon? Parce que la mer de tranquillité est sans doute la mer lunaire la plus célèbre. C'est en effet sur la base de la tranquillité que s'est posé le 21 juillet 1969 l'aigle. Le module. Oui, bah c'est bon, je vais pas vous dire non plus, mais. Oui, voilà. C'est un satellite, un truc quoi, une fusée. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Alors, donc ça fait. Ah ben. Ça fait 0 bonne réponse. Ils sont en train de me niquer toutes mes questions pour la semaine prochaine. Hein. Alors, 40e question. Quelle est la somme de 2 faces opposées sur un dé à jouer? Petit A, 7. Petit B, 9. Petit C, ça dépend des faces. Donc, à votre avis, nous avons. Alors, Adrien, vous répondez quoi? Je dirais la A. Qui est aussi la même réponse qu'Isabelle, la réponse A. Et la même réponse était là. Là, vous cartonnez ce soir, mais ce jeu devient très long. Oui. Bon, allez. Trop long. Quel bâtiment de Rome est habité par de centaines de chats? Petit A, le Panthéon. Petit B, le Vatican. Petit C, le Colisée. Moi, je dirais là. Ok, et nous avons la A, nous avons la B. Et bah c'est la C. C'était la C, mais oui, mais pourquoi le deuxième c'était quoi, pardon, le Vatican. Le Vatican, c'est le pape qui habite le Vatican. Il y a beaucoup de chats peut-être. Oui, mais à mon avis, moins que le Colisée et moins que le truc. Bref. De toute façon, j'avais une chance sur 3. Hein. Ouais, et bien là, vous perdez. Et bravo, Adrien, vous allez en deuxième manche avec Steven. J'espère que ça mais en va. Non, il a eu la bonne permette, il a dit la A. Hein. C'était la C. Ah, personne n'a eu la bonne réponse là. Non. Ah mince. Oh, j'en peux plus, hein. Les petites dernières, sinon on notera sur un papier, on les départagera parce oui, que. On fera un Shifumi, c'est bien ça aussi. Un Shifumi de loin. Un Shifumi de loin. Ouais, mais ils connaissent tous. Pourquoi y a-t-il un trou sur les bouchons de stylo Bic? Petit A, pour que l'encre ne sèche pas. Petit B, par mesure de sécurité. Petit C, pour faire des économies de plastique. Alors, nous avons une réponse pour mademoiselle Isabelle. Moi, je dirais la B. La B aussi. Ben, ça tombe bien. C'est pas parce que c'est la B. La bonne réponse. C'est comme ça, les enfants, s'ils l'avalent, ça leur permet de continuer de respirer. Alors, ce que je propose, c'est un poule sur un mur. Qui picote du pain dur. Oui. Alors, donc Nico, non, pardon, Adrien, j'en suis encore la semaine dernière, moi. Adrien et vous, Isabelle. Donc, Adrien, vous êtes la face A et Isabelle, vous êtes la face B, d'accord. Donc. Une poule sur un mur qui picore du pain dur, picota, trois petits trucs là, et puis s'en va. Bon bah c'est la réponse A, c'était donc Adrien. Bah excuse-moi mais t'aurais dû le mettre après hein. C'est-à-dire? Il y avait une syllabe en plus hein, t'aurais dû le mettre sur la B. Alors, hein. On refait. Une poule sur un mur qui picore du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Ah oui, vous avez raison, c'est vous. Bravo, merci Isabelle. Adrien. C'est grâce à votre talent que vous passez en seconde manche. Quant à vous, Adrien, malgré tous ses efforts, vous rentrez brocouille. Merci d'avoir joué avec nous en tous les cas et vous êtes le bienvenu dans une prochaine émission pour vous confronter peut-être à de nouveaux candidats. A bientôt Adrien. Merci. A bientôt. A bientôt. Quant à vous, ne vous endormez pas Steven, vous passez en seconde manche avec Isabelle. Et oui, il ne me reste que deux candidats enfin et je vais vous poser trois questions mais sans proposition de réponse. À vous de buzzer le plus vite possible pour me donner la réponse et vous jouez pour question pour un con-con. Bravo mademoiselle Amélie, vous j'ai êtes au taquet donné. Ce soir, vous n'êtes même pas emmêlé les pinceaux. Et non. Et pour les buzzers ce soir Henri. Alors les buzzers, mademoiselle Isabelle, vous allez faire long. C'est le temps que vous avez mis pour accéder à la deuxième manche. Quant à vous, monsieur Steven, court, vous allez faire... C'est la taille court de votre... Exactement. Ça ne nous regarde pas. Alors, donc ça, c'est les buzzers. L'idée est très simple. On vous pose des questions, vous faites le son de votre buzzer et vous répondez par la suite sans proposition de réponse. D'accord. D'accord. D'accord. Ok, question numéro 1. Quel est le plus gros oiseau du monde? L'an. Oui. L'autruche. Oui. Bravo, mademoiselle. J'hésitais entre un oiseau et un mammifère, quand même. C'est terrestre, quand même, aussi. Oui, mais enfin, l'autruche... Bref, j'ai la bonne réponse, c'est le principal. Je me doute s'il n'y a pas eu tricherie. Ah non, pas du tout. Vous auriez trouvé, vous, Steven? Oui, facile. Bah, oui. Question numéro 2. Quel est le deuxième nom de l'hippocampe? Je suis très animaux ce soir. Oui, je vois ça, mademoiselle Amélie. Non. Oui. Éléphant de mer. Presque. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, vous étiez à deux doigts. Hein. Et vous, Steven? Bon, je dirais cheval de mer. Ah, vous n'avez pas buzzé. Ah, voilà, allez-y. Cheval de mer. Oui, bravo. Ah, bravo, mademoiselle Isabelle. Eh oui, je suis désolé, Steven, il fallait d'abord faire le son de votre buzzer. Mais attention, question de mire. Je vais quand même oublier. Ah bah oui, bah du coup vous perdez. Bah dites deux. Question numéro 3. Qui a écrit Les Misérables? Non. Oui. Victor Hugo. Oui. Eh oui. Oh, vous faites c'est un sans faute pour Isa Padel. Bravo Isabelle. Vous on avait dit qu'on gardait Isabelle. Directement à la finale. Quant à vous Steven, alors autant vous avez été très court, enfin très très rapide pour accéder à la deuxième manche, autant là vous avez complètement laissé mademoiselle Isabelle passer en première place. Donc vous rentrez brocouille à la maison. Désolé pour vous Steven et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Alors, pour gagner ce magnifique cadeau, tu auras 30 secondes pour trouver le petit mot qui se cache derrière cette charade. Et vous jouez pour Christian pour un... J'avais beau prendre tout mon temps, mais je me suis dit, Henri, je peux pas garder 5 secondes comme ça sans rien faire, tu vois. Je comprends, mademoiselle Amélie, il faut combler. 30 secondes, ouais. Avons-nous dit. Oui. Très facile. Alors, ça commence. Mon premier est un métal précieux. Mon deuxième est là où vit... Attends. Est là où vit le ou la concierge. Mon tout sert à connaître l'heure. Je l'ai. On est content, Henri, pour vous. Je l'avais avant le tout, hein. Oui, bravo. Évidemment, l'horloge. Là, c'était du donné parce qu'on s'est dit, l'œuf dur, faut le donner, hein. Exactement, nous voulions nous en débarrasser. Ça commençait à sentir un schlinguer un petit peu dans le studio. Bah, je suis contente d'avoir gagné cet œuf. Un œuf dédicacé. Je le remettrai dans mon frigo. Par Barthez. Oui, et votre poussin naîtra dans... Naîtra. Il naîtra où vous voulez. Il naîtra. Mais il naîtra pas loin, c'est tout ce qu'on peut vous dire. C'est vraiment pas français ce que j'ai dit, hein. Votre poussin naîtra peut-être la semaine prochaine. Et je voulais... Henri, bien sûr, on voulait... Oui, je t'ai coupé la parole, je voulais que tu parles ta gueule. Non, je voulais dire qu'elle allait en prendre soin, évidemment, de son œuf. Car qui veut un œuf? Voilà un bœuf. Exactement. Ça et je voulais remercier tous les candidats d'avoir pris leur temps et d'avoir participé. Et quant à nous, on se retrouve en rire la semaine prochaine avec de nouveaux candidats et de nouvelles questions dans Questions pour un Cocon. Ah bah c'était ça déboîte. C'était long, hein. C'était long, hein. Mais vous pouvez pas dire que j'étais trop court, mademoiselle Amélie. Non, mais là on va aller se reposer un petit peu. C'était peut-être un peu trop long cette fois-ci. On va écouter Pole Position. Ouais, c'est Enitsu. Et Netsu qui était venu l'année dernière, enfin qui était venu à distance parce que Covid, mais qui nous avait rejoint dans l'émission d'interview où nous avons parlé de l'univers des Netsu, podcast à retrouver évidemment comme tous les podcasts d'Indestar, dont ceux d'Actu Solite sur indestar.fr et toutes les plateformes internet. Et juste après, ne nous quittez pas, on retourne chez le parrain. Chez le parrain. Passe le fun autour de toi. Actu Solite sur Indestar. Go, go, go, go! Je danse ma roue, je me donne un feu! Go, go, go, go! Pole position! On est toujours en pole position, position sur Indestar le mercredi soir, c'est Actu Solite. Position! De 21h à 23h. À peu près, parce qu'on a déjà pratiquement 20 minutes de retard. Mais ça, c'est à cause de la mademoiselle Amélie et de questions pour un concon. Et oui, elle prend son temps. Je m'en fous, je suis en vacances, je peux rentrer à l'heure que je veux. Et Anaïs travaille de 14h à 15h demain. Alors, hein? De 14h à 15h. Journée de merde. Sérieux? Je t'envie. Non, mais clairement, moi je vais même pas bouger mon cul pour travailler pour une heure. Hein. Bah, si, il faut quand il faut, il faut. Mais bon, c'est vrai que c'est une journée cool quoi. Hein, bah, à peine elle arrive, elle dit bonjour et dit au revoir. Salut! Non, y a du taf. Et t'es payé quoi, comment pour ça? Bah, une heure. Ouais, c'est super bien. Bon, en bref, ce comme soir. Comme vous avez suivi depuis le début, ouais, nous avons commencé recto verso. Voilà. Nous avons une petite mission. Nous sommes partis, je sais plus, à New York. À côté de New York City. Alors, comme toutes les semaines, déjà, recto verso, c'est une enquête. Hein, une enquête pour résoudre des fois un meurtre, des fois un vol, des fois plein de choses. Des suspicions de meurtre. Des suspicions de meurtre. Et là, cette semaine, bon, là, on sait pas trop ce qui se passe, mais on sait que potentiellement, il y a un risque qu'il se passe quelque chose chez le parrain. Si vous avez peut-être vu le film, hein, Le Parrain, qui date, hein, déjà. Et là, l'idée, c'est qu'il y a des menaces. Voilà, il y a une menace qui pèse sur le mariage de Connie, qui est la fille du parrain, qui aura lieu demain. Donc peut-être que vous allez pouvoir intercepter cette menace. Et dans tous les cas, on compte sur vous pour ça. Et pour ça, vous êtes chez le parrain. Et bien sûr, si vous voulez venir nous aider, nous avons un petit numéro de téléphone. Là, comme ça, là, je le balance comme ça, Ninous. Vas-y, le numéro de téléphone, 09 vas-y, balance. 70 407 306. Je répète, 09 70 407 306. Ouais, t'as pas lancé. Je répète, 09 70... C'est bon, 407 306. Vas-y, répète, voir. Je répète. 09 70 407 306. Vas-y, répète là. Eh, on dirait pas un numéro porno. Genre, si vous voulez voir des filles mieux ce soir, ah oui, appelez au 09 70 407 306. Vous voulez nous aider? Et non, en fait ils vont appeler, je vais dire ouais alors. Voulez-vous nous aider à résoudre cette enquête? Non. Si vous êtes d'accord, veuillez nous appeler au 09 70 407 306. Oui, c'est bon. Et vous, si vous voulez voir, vous en faites pas, cet appel est gratuit. Mais laisse-moi finir ma phrase, ouais. Non, c'est jamais gratuit dans les services téléphone rose. Là, c'est gratuit. Ah, là, c'est gratuit. Et si vous voulez, bien sûr, voir nos sales tronches, hein, nous sommes sur Twitch. Alors là, c'est vous voyez juste... vous voyez pas grand-chose, vous voyez une image fixe pour le moment, parce que nous sommes... À New York, à côté de New York. Voilà, donc forcément, avec le duplex, c'est un petit peu vois, j'ai voulu faire les choses bien et au final... Mais non, mais c'est vrai que vous suivez sur Twitch et vous verrez, bien entendu, bientôt le décolleté d'Amélie. On voit beaucoup. Ah bah on voit. Et t'as vu ou pas, j'ai bronzé. Ah, moi aussi j'en ai mis un. Non mais t'as vu, j'ai bronzé. Ah ouais. Moi j'ai bronzé que du coup. C'est-à-dire un coup de soleil, ça s'appelle. Ça se voit pas là. Bah là ça se voit pas la caméra, mais ouais si, ça se voit un petit peu. Attends, je te montrerai mon dos après. Il y a tous les seins. Alors. Ça m'étonnerait. On y va. Bon. On sait quoi de cette histoire? Il nous a donné quoi comme info là, Théo? Parce que moi, écoute, je l'écoute pas trop, donc... Bah déjà, on sait que la fille, elle s'appelle Connie Corleone et qu'elle veut une pièce montée demain pour son mariage. Oh, mais clairement, on s'en bat les couilles de sa pièce montée, on est là pas là pour ça, quoi. Moi, je pensais qu'on savait si elle avait des ennemis. Bon, allez, on va voir l'organisateur, là. En plus, c'est mignon, là-bas, hein. Ça doit être le mec en blanc, là-bas. Normalement, ça, c'est mon taf de dire s'il est beau. Mais allez, bonjour, monsieur. Oh, good evening. I'm not speak French. Do you speak English? Yes, of course. A little. Okay, I'm British cook chef. Je suis le chef de la cuisine. And I take care of the preparation of the meal of the Madame Corny. Je prépare le manger de Madame Corny. Tomorrow, at the meal, there will be... Demain, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait... jellied heels. Qu'est-ce que le jelly heels? Est-ce que c'est de la belle, du foie de crapaud? Ou c'est de l'anguille en gelée? De l'anguille en gelée? Oh yeah, c'est de l'anguille en gelée. I'm going to prepare a spotted dick. Est-ce que c'est une sorte de pudding? Ou est-ce que c'est un petit pénis? Une sorte de pudding? Oh yeah, c'est une sorte de pudding. Il y aura aussi un scotch eggs. Et les œufs avec de la chair à saucisse. Ou un œuf qui a été rescotché. La chair à saucisse. La chair à saucisse. Il faudra to come to like your haggis. C'est du cœur, du poumon et du foie de mouton avec des oignons. Ou alors c'est de la cuisse de singe noyée dans du rhum et des oignons. La première. Yeah, it's the first time. Yeah, good. And pour la dessert, you are the baked beans. C'est des haricots blancs dans de la sauce tomate sucrée sur un toast. Oh, ou c'est de la gelée de porc caramélisée sur un toast. La première. Yeah, yeah. A good question. Yeah. Might I say, have a good meal, of course. Bon appétit, bien sûr. Merci. All it's playing at the meal. Tout se joue au repas. I am the chef, of course. Have a sweet evening, baby. Baby. Yeah. Ciao. J'ai... Tout se joue au repas. Oh, ouais, je crois. Ah, ah, ah, le repas de, du mariage, ah, de Connie Corleone. Ah, ah. C'est horrible. Encore une fois. Ah. Oh là là là, si vous venez de débarquer, vous ne comprenez rien de ce qui vous arrive, mais c'est normal, vous allez vous habituer, ça tue solide, hein. Et en plus... Elle est en train de m'enlever mes fautes d'orthographe. Elle a mis tout se jouer au repas. Non, tout se joue. Tout se joue au repas. Ouais. Et tout se joue dans la musique d'Indestar aussi. Oui. On va écouter Nold. Without you, remake the Kid Laroi. Alors oui, Kid Laroi, c'est à la base, hein, et qui a été remixé par un certain Nold. Et juste après, en faire tout un Anaïs et le Dico Dingo fait par moi. Le Dico Dingo, le Dico Dingo. Sur Indestar. C'est ouf, ouf. Indestar présente Actu Solide. C'est le bruit. Ah oui, toujours. Il n'y a jamais de bruit sur Indestar, ben non. Mais ça va pas. Bah si, ça va. Non, il nous a légèrement créé. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Bon bah tout va bien. Et en plus il est bientôt 22h dans quelques secondes. Donc on pourra dire des conneries dans quelques secondes. Ah parce qu'on n'en avait pas dit jusqu'à maintenant. Non, il met sur Tenny. 29. Mais bah c'est bon, on va faire ça tout jusqu'au bout. Alors, là c'est un moment important. Alors pas si important que ça. Monsieur le compositeur. C'est le moment où tu peux baisser la musique. Baisser la musique. Ah, ça fait bizarre. C'est le moment où je prends ma guitare. Voulez-vous un peu de réverb, messieurs? Ah ouais. Messieurs, ah, parce que je te comprends ah, l'eau. Ah, ah. Ah la queue le. C'est bon? Le mercredi soir, je prends ma guitare. Oh yeah. J'écoute un des stars, Actu Solite, pour écouter les rubriques. Toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, Tala tala ham, tala tala dam, tala tala ham, tala tala dam, tala tala ham, tala tala dam, tala tala ham, tala tala dam. Avec moi dans les mains, toute une nana. Toute une nana is, toute une nana, toute une nana is, toute une nana, toute une nana is, toute une nana, toute une nana is. Merci, c'est tout pour moi. Je suis flattée. Je suis flattée de ce jingle merveilleux. Ça a été composé pendant la musique. Hein. J'avoue que ma voix derrière, elle a fait tout le travail. Oui. Limite, j'avais envie de te regarder et dire, tu sers à rien là-dedans. Mais je pense que t'as l'habitude de servir à rien. C'est méchant. C'est méchant, c'est vrai que c'est méchant. C'est réaliste. Ouais. Mais par contre, une qui sert à rien parce qu'elle a pas remis la musique, c'est Nanaïs. Bah ouais, mais j'avais encore envie d'écouter ta nana. Tout est nana. Tout est nana. Donc j'avais envie d'écouter, je me suis dit, vas-y, va la refaire et tout. Un tube. Ouais. Alors, qu'est-ce merveilleux. Que. Merveilleux. Tout une Nanaïs. Alors, je vais vous proposer des expressions. Soit faudra deviner la suite de l'expression, ouais. Soit faudra la deviner le sens. D'accord. La signification. Elle signification. La première expression, faudra me la compléter, mais c'est une très très très facile expression. Ok. C'est une très très très facile expression. C'est simple. Simple. Normalement, quand c'est comme simple. Bonjour. C'est très bonjour. Simple. Je commence. Gober les mouches. Voilà. Vous voyez que c'est facile. C'est vrai que c'était. Ah, c'est vrai que c'était sympa. C'est facile. Ouais. Je sais même plus ce que ça veut dire par contre. Alors ça. Bah, gober les mouches, ça veut dire ne rien faire. Alors, à l'origine, c'est perdre son temps, ouais. Ou une personne qui n'a rien à faire. Ouais, c'est ça. Et maintenant, c'est une personne qui croit tout ce qu'on dit. Ah oui, bon c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et moi, ouais. Je suis très comme ça aussi. Moi, tu peux me faire croire tout ce que tu veux. Non, c'est pas ah, vrai. Ah si, du moment que je suis pas connaisseuse, je peux dire. Ah ouais, mais en fait, non, pas ouais, du mais tout. C'est ah ouais, je m'en bats les couilles. Tu vois, genre mon copain, il m'a fait croire que un chevreuil. En fait, moi de base, je croyais que genre les cerfs et les biches s'accouplaient ensemble. Et que lorsqu'on avait des bébés, ils s'appelaient les chevreuils. Et qu'après, une fois qu'ils étaient un peu plus grands, là, on les mettait dans les catégories de si c'est un mâle, c'est un cerf. Si c'était une femelle, c'est ah ouais, non, biche. Non, ouais. Mais tu vois, genre, ça pourrait être... Oui, ça pourrait. Moi, et je dis genre... rien parce que c'est une erreur que je pourrais faire. Voilà. Ouais. Et mon copain, il m'a dit oui. Et quand j'ai raconté ça à mon beau-père, qui était chasseur, ouais. C'est bien foutu de ma gueule. Bah oui. Et du coup, depuis, bah, j'essaye d'être un peu moins niaisé, tu vois. Genre, ouais. Un peu moins niaisé, c'est le mot. C'est le être tué niaise. Voilà. Mais bon. Et vous savez que ce week-end, j'ai gobé un moucheron. Ouais, sans vouloir. T'as deux doigts de vomir. Ah, ah ouais, bah oui, elle a pas fait. Elle a pas non, dit, mais en fait, parce dans quelles bouche, circonstances quand on a été voir les lamas avec mon grand-père, en fait, t'as une grande côte. Ouais. Donc forcément, moi qui est fumeuse, et eh ben j'ai. C'est dur. Tu vois, et encore, non, ça va. Je bah, suis pas fumeuse et j'ai aussi galéré. Oui, j'ai galéré moins que toi d'ailleurs. Ça fait ce bleu. Et en fait, au moment que je. Et bah, t'as pas un moucheron qui est arrivé. Oh, tu sais, t'as l'impression d'avoir au bout de la gorge encore là. Et tu l'as avalé donc. Bah oui, j'avais pas le choix. Si je elle a essayé de le recracher, il est pas sorti. Allez, c'est parti. Juste pour compléter, c'est une expression du 17e siècle. Ah, ok. C'est au cas où ça intéresse quelqu'un. Donc si en 1600. Ça intéresse Léon. En 1600, parce que mon copain ne savait pas ça. Bon, cette fois-ci, c'est une expression du 10, 11, 12, du 13e siècle. Et je vais vous demander la signification. C'est la suivante. Il est vêtu comme un oignon. Quelqu'un qui est mal habillé ? Oui, je crois qu'on l'a vu ah déjà. Ah non, quelqu'un qui a plusieurs couches. C'est ça. Oui. C'est quelqu'un qui est vêtu de plusieurs vêtements. Ouais, comme un sandwich aussi. Trop facile, au suivant. Là, je me suis fait chier à trouver des indices, quoi. Ah ouais. Mais tu vois, on est tellement doués dans cette émission. Pas besoin. En mettant oignon, tu dis et oignon, je pense que celle-là, couches. Vous pouvez la trouver aussi rapidement. Et également une expression du 13e siècle. En gros, le jingle a été plus long. Ah, plus long, ouais. On le refera si vous voulez. Quoi, faut qu'on rattrape les minutes. Faut qu'on rattrape les minutes alors. Retourner à son vomissement. Retourner à ses occupations ? Non, c'est par exemple quand tu fais quelque chose de mal et que tu y retournes. C'est ça. Ah ouais. C'est comme bravo, ouais, je te sens particulièrement mais non, mais c'est par exemple, ce soir. Tu peux te taire s'il non, te plaît. Par exemple quand tu quittes une personne et que tu te que avec, quelqu'un se met avec, avec ton ex. Voilà, bah tu ravales ton vomi quoi. C'est commettre ah, oui, une d'accord, bah oui. C'est commettre une seconde fois la même erreur et reproduire la même faute. Ah ah, OK. Voilà. Ouais, mais oui, ravaler son vomi, je connais. Mais j'essaierai de vous prendre des trucs un peu plus. Mais là, oui, fait, parce que là. Tu vois, j'ai fait ça vite fait pour me. Parce que t'as pensé qu'on était des bleus. Non, c'est ouais. Pour me familiariser. Et ben, t'as prouvé qu'on était saignants. Oh, tu peux me laisser parler. C'est pour me familiariser avec cette rubrique. Oui. Tu vois, c'est histoire de voir comment ça se prépare. Tu vois que c'était pas compliqué, Jo. Petite leçon de vie à la radio en direct. Et moi À moi. Ah oui. Nico Dingo. Attendez, je suis pas prête. Nico Dingo. Le Dico Dingo. C'est le Dico Dingo. Le Dico Dingo. Le Dico Dingo. Wouf, wouf. Le Dico Dingo. Le Dico Dingo. Wouf, wouf. Et le Dico Dingo. Ça grésille. Ne vous inquiétez pas, il va vite devenir rouge, il va vite arrêter. A vu. A vu. Il dit qu'il a dormi 4 heures, mais il est. Il oui, est ça plus va, il y a encore de l'énergie. Le Dico Dingo. Ouais, rien de plus dingo. Difficile. Rien de plus facile, même. Oui, c'est ça. Rien de plus facile, je vous pose soit un mot, bien sûr, là on aura une petite dérogation à la règle. On déroge à la règle. On ne dérogue pas. Voilà, bah je déroge. Ouais. À la règle. Déroge alors. Que veut dire le mot? Et il y aura un mot avec deux mots. D'accord. Okay. Voilà. Premier mot, dictamen. Ça ressemblait à autre chose, mais bon. Non, ouais. C'est pas ce que vous pensez. Dictamen. Oui. Est-ce que c'est une sorte de dictaphone? Non. Est-ce que ça fait partie de. De la religion? Non, dictamen. D'un organe reproducteur. Est-ce que c'est une insulte? Oh, dictamen. Est-ce que ça fait partie de l'anatomie d'une personne? Non. Pourquoi t'es toujours c'est focalisé pas, sur. Premier l'entrejambe, toi. Premier indice. Oui. Illumination. C'est lumière. Quand t'as vous allez me dire t'as ça. Une idée. Mais oui, non, par rapport à la religion aussi. Lumière, c'est quand quelqu'un qui a vu la lumière. César. J'ai vu la lumière. Ah, il est mort et puis il a ressuscité. Non, mais non, j'ai vu la lumière, tu vois, une apparition. Non. Non. Est-ce que c'est quand t'as une idée sub quoi? Qui vient. Sub. Oui, c'est un peu ça. Une idée quoi? C'est une inspiration. Ah. Quand t'as de l'inspiration. Voilà, t'es dictamen. Un sentiment intérieur. Ah, j'ai un sentiment de dictamen. En ce moment. Ah putain, j'ai un dictamen. Et moi j'ai un dictaphone. Oh, mais ça, et attends, on va pouvoir faire alors, choses. Le deuxième mot, il m'a fait. Parce que en fait, je voulais absolument le faire, mais en fait, c'est un peu plus une expression. Mais d'accord. Voilà. T'as voulu mélanger. Ouais. En faire toute une Anaïs. C'est un baiser l'amourette. C'est trop mignon. Et après, on me demande pourquoi je pense que. T'as vu les mots Game Zor. Alors pourquoi l'amourette, ça serait qui? Ce pauvre animal qui a rien demandé et qui se fait. Non, c'est pas. Est-ce que c'est faire l'amour d'une façon sauvage? Non. Je pense qu'il n'y a rien à voir avec. Ouais. Baiser l'amourette, c'est en un seul mot en fait, ça c'est s'emploie. C'est en deux mots. Oui, en deux mots, mais ça s'emploie ensemble. Oui. C'est quand tu fais un tour de calèche. Oui, parce que quand tu dis baiser d'une part et l'amourette de l'autre. Oui, on comprend pas la même chose. C'est un baiser l'amourette. Premier indice, oui. Fâcherie. Ah, tu t'engueules? Quand un baiser l'amourette? Ah, un couple qui se fâche. Ouais, mais pas longtemps. Forcément un couple. Ouais, ça peut être une fâcherie. Quoi, oui. Deux personnes lambda, deux quidam, qui se fâchent de manière éphémère. C'est un peu ça, mais. Plus t'emploies les termes. Après, nous avons. Après la fâcherie, généralement, il y a la réconciliation. Voilà, c'est ça. C'est une réconciliation. D'accord. Eh bien, je l'annonce. Enfin, baiser l'amourette. Troisième mot. Non, ça, c'est. Art de lion. Art de lion. C'est ou art des lions, je sais pas comment on dit. Je dirais le. Cœur de lion. Non, c'est la crinière d'un lion. Non, c'est est-ce pas que lion. C'est un art de vivre? Un art de lion. Et c'est. Ah, c'est une sculpture. Non. Mais qui sort ça de nulle part. C'est un monument. Non. Premier mot. Arrête de copier. Pas concerné. Premier indice. Pas concerné. Tu t'en fous, en fait, quand t'es... C'est quoi le mot? Art des lions. Ouais. C'est un sentiment de je m'en foutisme. Non. T'en bats les couilles. Non. Tu te désintéresses du sujet. Non. Deuxième indice. Problème. Ouais, mais c'est un problème de se désintéresser. Là, je sais pas. Ah, c'est quand en gros t'as un problème et tu fais genre tu t'en fous, tu t'en occupes pas, tu laisses aller et tu te casses. Mine. En fait, je sais pas, je t'écoute pas depuis tout à l'heure. C'est pour ça. Troisième indice. Ouais, bah, chiant, envahissant. Théo. Quelqu'un qui est omniprésent, mais. Tu fais genre t'es là mais t'es pas là. Non, si justement. T'es là ou t'es pas là? T'es là mais t'es pas là. Mais t'es où? Non, c'est dans les tuches. Un T comme tuche. T'es là ou t'es pas là? D'accord. Non, ouais, c'est quelqu'un qui est omniprésent et il monopolise toute l'attention sans en avoir que faire des autres. Non. Oh, dis-le. C'est en fait, c'est quelqu'un qui se mêle de tout. Ah ouais, ok. Tu sais, genre par exemple, il y a une embrouille, il va pas être concerné, mais il connaît pas la situation, mais oui, il a quand même son mot à dire. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux répéter le terme? Ardélion. Quelqu'un qui se mêle de tout. Ok. Non, mais c'est Ardélion, on est d'accord. Oui, quelqu'un qui se mêle de tout. Ok. Ah, mais nous, on voulait juste le terme. Ouais, on voulait juste le Ardélion. Oui, bah le terme, hein, moi je ne connais pas tout ça. Hein. Oh, tu connais pas ce terme. Et bah, on était assez rapido, c'est rapido. Ah, j'aime bien. Bah, oui, on a du tout à rattraper. Hein. Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien Francis Cabrel. Oh, je vous aime tous. T'aimes bien Francis Cabrel? Je t'aime et je t'aimerai. Mon enfant né sur les galets. Oui, et puis là c'est notre petite Sarah H. Sarah H qui passe souvent chez Indestar. Ouais. Et qui a été maman il y a quelques mois. Et d'ailleurs, si vous voulez venir, vous madame, sur le Sarah studio, on vous attend. Mais je veux qu'elle vienne. Mais tu sais qu'elle risque de nous ramener du piment. Des spellettes. Ça arrache. Sarah H. On écoute. Elle est bonne. Je t'aimais, ouais. Je t'aime, je t'aimerai. Et juste après, un petit record de dictée. Oh yeah. Actu solide sur Indestar. Oh, c'est bon. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. J'adore cette musique. On s'est enjaillé dans le studio là. Ah, j'avoue. T'adore. Mais on aime bien ces musiques. Oh, on aime bien Francis Cabrel et on aime bien Sarah H. On aime bien les musiques d'Indestar. Ah oui. Ah oui. Alors, si vous avez été sur Twitch pendant la musique, vous avez raté ça. Par contre, là, vous pouvez vous brancher sur Twitch, indestar.fr, pour suivre le record. Alors, c'est pas vraiment un record pour le coup, c'est un défi. Entre deux candidates, Anaïs et Amélie, qui est la meilleure en orthographe dictée de Pivot. Mais il peut y avoir Pivot. Des surprises. Il peut y avoir Bernard, des surprises. De son prénom. Il peut y avoir des surprises. Je vous ai préparé une petite dictée. Pas trop longue. Pas trop longue, à écrire sur le tableau, donc avec un V. On se rejoint de l'autre côté. De l'autre côté. Nous nous déplaçâmes. De l'autre côté. Nous déplaçâmes. Une seule chose pour laquelle je suis fait. Je mets en route maintenant le petit truc. Vas-y, mets en route la musique. C'est l'arzik ici. Ok, et moi aussi je me déplace. Et je suis de retour. Alors, la règle est simple. Ah, faut que je retrouve mon portable déjà pour commencer. Il est où mon portable? Ah, là-bas, je le veux bien. Ne regarde pas le texte. Alors, c'est un texte qui s'appelle « Un souper imparfait ». Parce que c'est l'heure de souper. Donc, Amélie, Anaïs, tiens, prenez un Velleda. Tiens, Amel. Ah, tu as un Velleda bleu. Je donne un Velleda vert à Anaïs. Ah, tu as, t'en as un. Alors, séparez le tableau en deux, s'il vous plaît. D'accord. Attends, c'est flou. Comment ça se fait que c'est flou? Ah là, c'est moins flou. Ok. Donc si vous êtes sur Twitch, vous allez les voir écrire. Alors attention, c'est parti. Et vous pouvez le faire à la maison, hein, prenez une feuille et un stylo, et on corrigera ensemble. Attention, si vous avez une mauvaise note, je sévis. Donc vous pouvez écrire le titre, un souper imparfait. Un souper imparfait. J'ai toujours rêvé de faire ça. Le maître de Seva. Alors... Hier, virgule, le petit chaperon rouge. Hier, virgule, le petit chaperon rouge a vendangé des champignons verts. Le petit chaperon rouge a vendangé des champignons verts et des champignons orange, des champignons verts et des champignons orange qui poussaient. Ah, je vais pas vite hein, pourtant. Donc des champignons orange qui poussaient dans la verte forêt. Donc des champignons orange, rouge pardon, vert pardon, et des champignons orange qui poussaient dans la verte forêt derrière chez elle. Point. Hier, le petit chaperon rouge a vendangé des champignons verts et des champignons oranges qui poussaient dans la verte forêt derrière chez elle. Point. Encore une petite phrase. Ce soir... Ah, mais ils ont pas fini, mais ils sont lents. Hein. Attention, hein, moi je passe à la suite, hein, je m'en fous. Hein. Ce soir, virgule, elle prépare une crème de champignons des bois. Ce soir, virgule, elle prépare une crème de champignons des bois. Virgule. Une crème de champignons des bois. De champignons des bois. Virgule. Car elle participe. Car elle participe à l'émission Actus Solite. Car elle participe à l'émission Actus Solite. Point final de la dictée. Vous pouvez signer en bas. C'est... Alors vous n'avez pas du tout la même façon d'écrire. Nous avons Amélie qui écrit en gros. Alors qu'Anaïs écrit en petit, ce qui m'arrange pas visuellement, je vous avoue. Ouais, même pour faire la mise au point, c'est compliqué. Hein. Nous allons corriger les dictées, vous allez m'aider parce que je ne suis pas sûr de le voir et je ne suis pas sûr que vous le voyez non plus à la caméra. Alors, comment vous écrivez un souper imparfait, souper ER pour les deux? Une faute, tu peux mettre une faute à côté. Ah oui, mettez un rouge. Un rouge. Pardon ? Ah non, j'ai pas d'autre micro, je suis désolé. Je suis donc Anaïs, tu m'as dit un E, alors que c'était bien ER. Bravo, mademoiselle Amélie. Imparfait, ok. AIT, c'est bien. Alors, hier, le petit chaperon rouge a vendangé. Est-ce que vous avez mis un accent sur le A ? Non, il n'en fallait pas, effectivement. Vendangé, et vous avez écrit vendangé, ER, je vois. Et c'était bien E. J'ai appris. Et pas à prendre des champignons verts. Comment vous avez accordé champignons verts? Ok. Et un S à champignons ou pas? Oui. Et qui a mis un S à vert et à champignons? Bravo. Donc une faute pour Amélie. Des champignons verts. Il y avait un S à champignons et champignons à vert. Et des champignons orange. Comment vous avez écrit champignons orange? Et bah fallait pas parce que orange ça n'a pas de pluriel. Donc... ah ouais. Qui poussait? Comment vous avez écrit pousser? A-I-E-N-T, c'est la bonne réponse. Et oui, dans la verte forêt. Forêt, est-ce que vous avez bien mis l'accent circonflexe? Sur le E. Sur le R, elle est sérieuse? C'était effectivement sur le E. Derrière chez elle, point. Bon, je pense que ça va. Ce soir, elle prépare une crème de champignons. Est-ce que vous avez bien mis le S à champignons? Des bois, ok. Car elle participe à l'émission. Est-ce que vous avez bien mis l'accent sur le A? L'émission Actus Solite. Elle l'a pas mis. Donc, une faute supplémentaire. Et sérieusement, ou tu n'as pas mis le S à Actus Solite? Alors, ah, bravo! Alors là, chapeau melon et bottes de cuir. Champignons des bois. Attends. On est où là? Champignons des bois. Une crème de champignons des bois. Ah bon, bah autant pour moi. Alors, combien de fautes? Deux fautes! D'accord, non, mais d'accord, ok. Alors, deux fautes pour Anaïs, pas mal. Franchement, pas mal. Et Amel, six fautes, c'est ça? Ok. Bah, moins bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Mais oui, comme quoi, quand on n'est pas bon en orthographe, on reste pas bon en orthographe. C'était la leçon à retenir du jour. Peut-être que vous avez fait mieux à la maison, peut-être que vous avez fait pire. C'est Antoine à écouter, il a sûrement fait pire. Mais Antoine, on t'excuse. Antoine, tu fais partie des chevaux. Mais je l'ai toujours dit que j'étais nul en orthographe. Ouais. Et en plus, faire une faute avec du solide, quoi. Ah oui, alors là, ça craint. Surtout que... Alors, attendez. Il allait super vite, on pouvait rien faire. Non, je suis désolé, c'est pas une... Regardez les écrans si vous êtes sur Twitch. Regardez. Ah, faut que ça fasse la mise au point, je suis désolé. Mais voilà. Actu Solite avec un S. C'est bien marqué. Hein? Mais bon. Mais t'allais trop vite. Ouais, c'est de ma faute. Bon, attends, j'ai... j'étais particulièrement lent et je pense que ça en a endormi une partie. Non, t'as été vite. Quoi? J'ai quand même eu 14 sur 20. 14 sur 20. Ouais, enfin avec 3 phrases. Et ben, première fois, j'ai fait une dictée au collège. Ouais. J'avais eu 0 sur 20. Et heureusement qu'elle m'avait pas mis en dessous. Que je crois que j'étais à moins 12 ou un peu. J'ai genre. Déjà eu un 0 sur 20 aussi, on dit. C'est vrai. Moi aussi, ça a dû m'arriver. Et d'ailleurs, petite anecdote. Clément, si tu m'entends, bisous. On a été, on était au lycée ensemble. Mm-hmm. Non, je crois que c'était au collège. Enfin bref. Dans l'état. Qui est Clément? C'est un ami. Une amie à moi. Ouais. Une. Clémence. Oui, Clémence. Ah. Et en fait, on a fait une dictée. Sauf qu'en fait, elle savait la dictée que c'était à faire. Donc en fait, elle avait copié la dictée sur une autre feuille. Elle voulait échanger, tu vois, à la dernière minute, l'autre feuille. Sauf que elle s'était trompée. En fait, la prof, elle avait enlevé deux phrases de la dictée. Mais elle s'en est pas rendue compte. Et du coup, elle lui a mis 0 et elle lui a dit: Clément, si tu, quand tu veux tricher, essaye de tricher bien. Ouais. Essaye d'écouter ce qu'on dit quand même. Mais c'est pas mal, hein, pour éviter que les... C'était pas mal de son côté de vouloir tricher comme c'était ça. C'était une bonne idée. Mais comment elle savait à l'avance qu'elle allait être la dictée? Et parce que généralement la prof, tu vois, des fois il nous donne des dictées, genre nous dire bah, les tiens, autodictées. Voilà, vous avez ça à prendre par cœur. Ah oui, ça c'est normal, voilà. Oui. Mais en fait c'est que bah, pour vérifier que personne a triché comme elle, bah, elle avait enlevé deux phrases de la dictée. Ok. Voilà. Bien joué. Petite pas mal anecdote. Joué plutôt. Twin Shadow Saturday, c'est ça? On oui. écoute. Et aujourd'hui, on est mercredi. Comment on dit? Wednesday. Ah voilà, c'est il va ça. Falloir parler anglais parce que j'ai l'impression quand même dans votre enquête, il y a quand même pas mal d'Américains. Ce qui est normal parce qu'on est en Amérique et à résoudre sur Indestar. Actu solide sur Indestar, il n'y en a pas deux. Et c'est pas plus mal. C'est comme la paire. Putain, ils sont encore là, eux. La paire, il n'y en a pas deux. Bah, c'est pareil, c'est Actu solide. On est trois. Voilà. Actu solide, il n'y en a pas trois. Ah bah si. Ah si, du coup il y en a pas deux. Non, il y en a pas deux. Bah, si, du coup il y en a trois. Et il y en a ni quatre. Mais on est trois. Et en même temps, j'avais deux. Deux et le quatre. Trois. Trois. Quatre. Voilà. On fait un beau trio. C'est ça. Une sorte de. Trio Mino. De trouple. Non. Bon, on non, est quand même sœurs. Hein. Encore, j'aurais pas été en sœur, ok. T'aurais pas été en sœur. C'est comme être en sueur, mais en sœur. C'est-à-dire qu'elle est en binôme. T'es comme en sœur, mais elle est en binôme avec toi depuis ta naissance. C'est ça. Jamais vous ne vous êtes séparés. À combien de minutes d'écart vous êtes née? Deux minutes, c'est qui la première? Moi. Ah ouais, ça se voit. Mais bon, je suis la plus vieille parce que nous, on a été en césarienne. Parce que normalement, on dit que c'est le premier bébé qui sort, c'est le dernier. Hein? Parce qu'en fait, les pour premiers eux, seront les derniers? Parce qu'en fait, pour eux, le premier, il remonte et tu sais, genre le dernier, il redescend. D'accord. Je sais pas comment te dire ça. Ouais, donc, en gros, j'ai envie de sortir moi la première par la zizoudi. Non, mais ça se voit que Samel a plus de rides. Elle a plus de... Donc, normalement, en fait, ce qui fait que normalement le premier bébé des jumeaux qui sort le premier, c'est le dernier. D'accord. Voilà, et que le dernier qui sort, en fait, le premier, parce que le premier était tout en haut du ventre. Oui. Je crois, ou un truc du genre. Moi, j'étais au milieu. Le truc, ils se prennent la tête, le premier qui sort, c'est le premier, et puis basta. Bah voilà, de toute façon, là, ils ont ouvert, fermeture éclair, zup. Voilà, c'est ça. Les deux sont sortis. Ils ont pris la première, donc moi, ils ont fait oh, quel beau bébé. Ils l'ont pris, puis après, l'autre, ils se dit ouais, faut quand même la sortir. C'est vrai qu'on aurait pu en laisser une. On peut pas la laisser pourrir dans le ventre, tu vois, donc ils l'ont sorti. Ah, c'est vrai que ça se fait pas. Donc on, est pas né, génial, donc on est né à 2 minutes d'intervalle. Ok. Alors tu vois, ma soeur, on était censés être jumeaux. Et puis finalement, quand ils l'ont vu, ils ont fait ah, on va laisser encore 3 ans à l'intérieur. Mûrir un petit peu. Ta mère, elle devait en avoir marre à force, hein. Ah bah c'était 9 mois ça déjà, long, hein. C'est long. Mais alors 3 ans ça a été long, ouais. Il a quel âge? Oh bah il a 2 jours, mais il a déjà 3 ans. Mais j'étais mûr, moi, j'étais au taquet. Ouais, bon, ce soir, nous partâmes falloir... à New York. Ouais, New York, Long Island, c'est juste à côté de New York. New York! Le parrain. Et chez le parrain, il y a une histoire. Enfin, il y a toujours des histoires, c'est normal parce qu'il baigne pas que dans des bonnes affaires. Mais apparemment, il nous dit bon, peut-être que quelqu'un vous leur en veut, oui. À la famille. Hein. Et demain, il y a Connie qui se marie. Connie, c'est la fille. Oui, la fille. Donc ça serait dommage qu'il se passe quelque chose lors de cette cérémonie. Vous avez déjà un indice qui pourrait potentiellement se passer quelque chose. C'est quoi votre indice? Tout se joue au repas. Tout se joue au repas. D'accord, très bien. Donc là, on est reparti direction Long Island sur Indestar chez la famille Corleone. Bon, cette fois-ci, on va éviter de tomber sur un mec qui parle qu'anglais, parce que moi, clairement, je ne comprends que Chibalux. Mais je sais pas, on pourrait peut-être aller voir les copines de Connie près de la piscine. Bah ouais, si tu veux, pour on a le droit de se baigner. Non. T'as pris ton maillot de bain? Non. Mais moi, je me baigne à poil. Et en plus, ça tombe bien, j'en ai 3000 sur le corps. Bonjour. Bonjour. Salut, vous êtes de la famille de Cardi? Pas vraiment. Non, on est là pour enquêter. Oh, on s'amuse bien aussi, on fait des concours. Il y a Shelley qui essaye de tenir le plus longtemps sous l'eau. C'est de l'apnée, quoi. Exactement, c'est de l'apnée. Bah, ouais. Ça fait au moins 5 minutes qu'elle remonte pas à la surface. Ouais, mais elle est très douée, Shelley. Oh, mais on dirait qu'elle veut nous dire quelque chose. Écoutez, Allez les filles, vous savez quoi, j'ai pissé dans la piscine. Ah, je l'ai, enfin, oh my god, oh là là, je l'ai, oui, tu nous disais. Qu'est-ce qu'elle dit hein? Oh les filles, on va la remettre. Regardez comme j'ai bien... Non, moi j'ai entendu, il y a un mec, je sais pas quoi. Ah non, il n'y a pas d'histoire de mec, je crois qu'elle veut faire des bulles. Oui, regardez comme j'ai bien fait des bulles. Elle dit ouais, comme je fais bien des bulles, ouais. Ah, c'est vrai, Chélé, t'es trop douée, hein. Ah, ah, mais qu'est-ce qu'il y a, Chélé? Ah, les filles, c'est un truc. Qu'est-ce qu'elle dit, Chélé? Oh, les filles. Oh les filles, oh les filles. Alors qu'est-ce qu'elle dit hein? Oh les filles, je tirette. Non, je crois qu'elle vient de trouver une pièce de 10 cents. Elle nous dit qu'elle est riche. Qu'elle est riche. C'est bien Chélé. C'est génial. On écoute Chélé. Ah les filles, regardez, j'ai enlevé l'eau. Elle a enlevé le maillot. C'est rigolo. Non, elle a enlevé le maillot, elle a enlevé le haut. Oui, elle a enlevé le haut. C'est rigolo, elle a dit, non? On voit tes os, Chélé. Oh, Chélé. Chélé? Bah, les filles, il fait tout noir. Ah non, c'est parce que t'avais les yeux devant les yeux. Ah bah, les filles, il fait tout noir. Bah non, j'ai fermé les yeux, je sais pas quoi. Non, c'était pas j'ai fermé les yeux, j'ai pas l'impression pour écouter. Oh, bah les filles, il fait tout noir. Ah non, c'est parce que j'avais les cheveux devant les yeux. Ah, c'est parce que j'avais les cheveux devant les yeux. Chélé. Oh, remonte à la surface, Chélé. T'es trop douée. Oh là là. Oh, on s'amuse bien. Et regardez, regardez. Kimberly, elle va sauter. Elle fait très bien, là. Bombe. Oh, vous avez vu, c'est trop fandard. Oh, j'espère qu'on va bien s'amuser au mariage de Connie. On espère aussi. Oh, à plus tard, les filles. À plus tard. À plus tard. C'était un peu compliqué. Ça sent la bombe. C'est horrible d'entendre quelque chose et que tu sais que tu veux comprendre, mais que tu comprends pas. C'est horrible cette sensation. Bah, en même temps, qu'est-ce qu'elle foutait dans la piscine? Bah, elle nageait. Oui, mais elle aurait très bien pu dire les choses Donc, le principal, c'est qu'on a un deuxième indice. Qui le est mot bombe. La bombe. Comme moi. Ah ouais. Bomba latina. Donc, si je résume bien pour le moment. Fantastique. Il risque d'y avoir une bombe au moment du repas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça sent mauvais cette histoire. Ah bah, ça vous voulez découvrir la suite de l'histoire? Non, bah, restez jusqu'à avec nous, jusqu'à la fin. Jusqu'à très tard. Juste après. Ouais. Ah oui. Raconte-moi une histoire. Ah, c'est quoi ça? Bah, on a une histoire. Oui. Et on doit dire si elle est vraie ou c'est pas. Parce que des fois, elle est vraie. Et pour la première fois, tu participes. Oh, oui, enfin non, c'est pas vraiment la première fois, mais c'est la première fois que je l'écris cette histoire. Ouais. Ah oui, ça faisait longtemps. Oui. Oui. Ça t'a manqué. D'habitude, je lis simplement celle de Jojo. C'est ça. Mais juste avant, on va écouter grammatique. Grammatique. Ah bah, ça va bien avec la dictée, ça. C'est ça. J'ai dit, c'est grave. In this world world. Ce qui veut dire. Dans Terre. Le monde. Ouais, il y a monde quoi. Dans ce monde. Alors, on n'est pas encore vraiment bilingue. Hein. Non, c'est ça. C'est, on va peut-être demander aux parents tout à l'heure. Ouais, c'est ça, on va attends, leur Google de traduction. Allez où Google? Oh, mais on peut pas le dire tout à l'heure à nos amis? Si, on va le dire tout à l'heure à vos amis. Allez, c'est parti sur Indestar. Vous n'imaginez pas tout ce qu'Actu Solide peut faire pour vous. À vrai dire, nous non plus. Indestar. Bah, nous non plus, mais on a encore. Ah merde, c'est vrai, excusez-moi. On vit dans un pays riche où 50 euros n'est pas rien, mais là-bas. Ça fait 33 000 Français. On sait pas. C'est le jour où je suis arrivée au Sénégal dans la famille qui m'a accueillie, j'ai vu qu'on ne parlait pas bien le français. Je voulais leur apprendre quelques mots et ils m'ont appris quelques mots de leur langue, le Wolof et le Poulard. J'ai appris aussi que Touba voulait dire blanc. Ouais, ouais. Amandine du 38. Ah, Amanda. Amanda Amanda du 38. Ah oui, Amanda du 38. Ouais, c'est vrai. Qui était presque. Un sacré talent. Découverte sur YouTube il y a un peu plus de 10 ans. Eh, en vrai, elle a été beaucoup moquée à l'époque. Et la pauvre, elle était dans son lycée, elle a dû quitter son lycée parce que. Juste pour une musique? Ouais, parce qu'elle a été beaucoup moquée par les mauvais copains. Voilà, donc c'est pas cool. Faites de la YOLO musique, on s'en fout. Faites comme nous. Et vous passez sur une des stars. Et voyez 10 ans après. Oh, j'aimerais trop la retrouver cette dame. Mais on est toujours là. Mais ouais, c'est clair, tu dis cette dame. Mais ouais, c'est maintenant, genre, elle a plus de 20 ans. Ouais, venez, on essaie de la retrouver. Ouais. On a vu, ça doit pas être compliqué. Elle doit toujours avoir sa chaîne. Ah, je sais pas. Elle avait un Skyblog à l'époque. Mais elle était sur YouTube ou Dailymotion, je sais plus, enfin une des deux, mais bon, elle avait fait le buzz, comme on dit à l'époque. Ah ouais. Pour les mauvaises raisons quelque part, mais en même temps elle s'éclatait, elle faisait son truc, tu vois. Ouais, tu vois, genre en plus c'est rien de méchant quoi, c'est mignonné. Bah oui, c'est mignonné. Oh oui, ouais. Bah oui. Les gens sont cruels et mesquins. Les gens sont cruels et mesquins, c'est exactement ça. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Et nous, on fait de la YOLO musique et on emmerde tout le monde. Ouais, et on en a rien à foutre de vos avis, hein. Ouais, d'abord. Par la maman. Si t'as pas compris ça. Ça veut dire oublier. Papa, maman. Est-ce que vous voulez que je commence? Alors, raconte-moi une histoire. Vas-y. Cette histoire est inspirée de faits réels. Ou pas. Est-elle vraie? Est-elle fausse? À nous de juger. Exactement. Normalement, on a une ardoise pour noter. C'est si ça. Elle est vraie ou fausse, je pense qu'on peut le dire à l'oral. Ouais. Oui. Je pense. Alors, moi, c'est dans les débuts de la pandémie du Covid-19, donc il n'y a pas très très longtemps, sur le site Santé Québec. Donc, ça se passe au Québec. Au Québec. C'est bien. Le site Santé Québec envoyait régulièrement des liens, vous savez, pour informer tous les Québécois. Mmh. Bah, de l'évolution de la pandémie, tu sais, tous les jours, nous, on avait les infos, machin. Tout à fait. Mais un bonjour, ou peut-être une nuit, le ministère de la Santé du Québec a diffusé par erreur un lien renvoyant vers un site pornographique. Bien sûr, Pornhub, pour les connaisseurs. Tu cites le nom. Qui sait, ouais, vous allez me kiffer là, ce soir vous allez pouvoir, voilà. Et autant vous dire que ça a bien fait rigoler tout le monde au Québec. Bien sûr, il y a eu un peu des gens agacés, mais bon, on s'en fout, c'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo. Alors vrai? Mais, alors c'est rigolo certes, mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Alors? Je serai sur... Du vrai faux. Bon, dépêche-toi, on n'a pas toute l'émission non plus. Je pense que c'est faux. C'est faux? Moi, j'ai failli prendre cette histoire pour ce soir, donc, ah, donc c'est vrai. Ah, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe, t'avais la réponse. Hein. Et autant vous dire qu'ils ne savent pas où, pourquoi il y a ce problème. Oui. Bien sûr. C'est pas un petit rigolo qui s'est immiscé à l'intérieur du système pour. Je sais pas. Donc, je sais que c'était toujours en cours, mais flemme de regarder si c'était vrai ou faux, tu vois. Mm-hmm. D'accord. Au moins, c'était drôle. Quand je pense qu'on a failli faire la même histoire ce soir. Je me suis demandé si t'étais pas enceinte, Théo, parce que t'avais ta main sur ton ventre en mode. Et qui bouille? Non, mais ça grossit bien. Voici mon histoire. Notre homme est anglais. Oh putain, qu'est-ce que t'as avec l'Angleterre? Je sais pas. Habitant du Yorkshire. Il est... C'est un état... Il est passionné par la menuiserie et s'approvisionne dans un bois près de chez lui. J'imagine avec l'accord de son propriétaire. Fan de ses sculptures, la mairie de sa ville lui commande un jour une œuvre sur le thème de la maternité pour mettre à l'entrée du nouvel hôpital. En lui faisant entièrement confiance sur la réalisation. Ce qui était peut-être pas une bonne idée, parce que maintenant, si vous allez au Pinterfield General Hospital, vous trouverez à l'entrée des têtes de bébés en bois, empilées les unes sur les autres de manière aléatoire, comme si on avait coupé la tête de plusieurs bébés et qu'on les avait jetés en tas. Ambiance. C'est horrible. C'est vrai que c'est... Mon histoire est-elle vraie ou fausse? Moi, je dirais faux, parce qu'ils auraient pu très bien refuser de la mettre devant l'hôpital. Moi, je dis vrai. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ouais, je dirais faux. C'est faux. Wouh! Cette histoire a été inventée de toutes pièces. Mais ouais, parce que je me suis dit, attends, d'où l'hôpital, elle mettrait ça? Au pire, tu refuses et... Bah, ils auraient pu le mettre, tu sais, par gêne. Enfin, genre, ils ont commandé une œuvre avec un artiste... Et puis bah l'artiste il fait l'offre, tu peux pas trop la refuser, tu vois, ça aurait pu. Bah non, c'est horrible. Voilà. Chérie, je vais coucher. Non, non, on va pas coucher maintenant, hein. Ceci n'est que le fruit de mon imagination. Ouais. Pas d'inquiétude. Ou peut-être que si, mais pas pour les mêmes raisons. Anaïs, à toi. Mon histoire. Un homme américain. American home. S'est fait contrôler en fin février à la frontière du Mexique par des douaniers. Hein. Ah ouais. En le fouillant, ils ont trouvé 9 serpents. Et 43 lézards cornus enfermés dans des sacs plastiques. Cachés sous sa veste, ses poches, au niveau de son entrejambe. Bref, partout où il pouvait en mettre. Il s'agit en fait d'un contrebandier qui avait tenté d'introduire des reptiles aux États-Unis, dont certains appartiennent à des espèces protégées. Moi, je dirais vrai. C'est forcément vrai. Moi, je dirais vrai parce que tout à l'heure, tu nous as dit « Oh, j'ai voulu faire cette histoire sur Internet. » Oui. C'est pour les mêmes raisons. Voilà, je me dis que c'est que t'as cherché. Tu t'es mis à chercher sur Internet. Tu t'es vendu toute seule. Ouais, mais peut-être que j'ai modifié des trucs. Non, on a dit qu'on avait pas le droit de modifier un ou deux mots. Si, bah, je vais pas modifier deux mots. J'aurais pu dire un éléphant rose dans ta culotte. Je suis sûr que t'as aucune inventivité. Ouais, non. En fait, tu t'es cramée toute seule au moment que t'as mais dit. Oui. Si, bah si, parce que je voulais le mettre. Bah ouais, parce que j'ai vu cette histoire-là, j'aurais dû la mettre. Ouais, mais on savait très bien, genre, si t'as regardé, c'est que tu cherches juste une histoire. Juste les animaux ont été placés en observation. Conne, ah, je suis pas conne. Et le contrebandier s'est fait arrêter. Ok. Voilà, okay. Pauvre lézard. Pauvre lézard. Et serpent. Surtout, aviez-vous autant de bonnes réponses fallait que pas nous Et fallait pas, tu sais, Hubert, comment on dit Moi, j'ai fait un sans faute. J'ai eu une ouais, bonne. Mais, ouais, ouais. C'est vrai que t'as fait une bonne réponse. C'est rare. Il vous a niqué! Bravo Abel. On se réveille! On se réveille parce que il va falloir savoir ce qui ça... se passe, ce qui se trame du côté de la mafia, du côté du barin. Parce que voilà, apparemment ça craint, il y a une bombe, il y a une histoire. Et on a deux doigts de résoudre ce mystère! On est à deux doigts, voilà. L'équipe Actu Solide va-t-il réussir une énième fois encore? Bah évidemment. C'est un succès, un succès, voilà. Un trophée supplémentaire. Ah, vous écoutez ça? Ah oh, oui! C'est DJ Greg? DJI. Ah, DJI. C'est le mec qui se Hello, coince le pied. Un petit bootleg. Oui, entre téléphone et Martin Solveig sur Indestar. Mais ça, on a le temps. Actu Solite, 21h, 23h le mercredi, uniquement sur Indestar. Ça va pas. Mais si, mais. Il a décidé à chaque fois de reprendre les rubriques, de crier comme un malade. Non, juste quand le jingle crie, moi je crie, je suis coordonné. 22h53. 22h53. Ah. Je kiffe cette équipe parce que dès que tu commences à parler, quelqu'un te coupe. Eh oui, pourtant on est que 3, mais ça suffit. On a un peu le bordel de l'émission. C'est un peu le bordel, exactement. Allez. Quoi? Moi je veux savoir. C'est vraiment je veux savoir ce qui se passe vraiment. Tu vas savoir ce qui se passe vraiment concernant quoi? Le cousin. Le parrain. Ah, le parrain. Cousin. Alors, qu'on réexplique si vous n'étiez pas là depuis le début. D'ailleurs, si vous n'étiez pas là depuis le début, qu'est-ce qu'on fait? Avec du Solid Indestar jusqu'à 23h. Ouais, à peu près. Mais imagine qu'on veut réécouter cette émission. Ah, podcast. Tu vas sur les podcasts. Ouais, alors là, déjà, vous attendez. Hein, vous attendez la fin de l'émission. Vous attendez demain. Hein, vous êtes gentil. Tu vas sur indestar.fr. Tu appuies Actu Solid ou l'émission que tu veux d'ailleurs. Parce qu'on n'est pas les seules émissions d'Indestar. Non, il y a quoi comme émission? Bah, soit on le dira peut-être à la fin. D'accord. Ok. Non, mais d'accord. Peg Avenger, Starter, Actu Solid. Voilà. Il n'y en a que 3. De toute façon, c'est pas compliqué. Voilà. Comme le nombre de nous. Comme le nombre de nous, exactement. Voilà. Plus ces émissions spéciales, une touffade de temps en temps le vendredi. Mais, donc oui, vous pouvez avoir toutes les plateformes de podcast que vous voulez sur votre téléphone, par exemple sur votre tablette. Vous nous retrouvez, vous tapez Actu Solide Indestar et vous pourrez réécouter cette émission. Ok. Donc, le principe du recto verso, puisque c'est ça dont il s'agit. On a ce soir, on va chez le parrain. Vous connaissez peut-être le film Le Parrain. Sauf que la famille Corleone est un petit peu embêtée parce qu'ils se disent tiens, on a des personnes qui nous veulent du mal et ils pourraient compromettre le mariage de la prunelle de ses yeux. Exactement, de la prunelle de ses yeux qui aura lieu demain. Il faut tout faire pour éviter qu'il y ait un drame lors de ce mariage. Et vous avez bien commencé puisque vous avez trouvé les deux premiers indices. Mais nous allons voir si vous pouvez pas en trouver un troisième. Donc direction à côté de New York, Long Island. Bien sûr, puis vu qu'on était préparé à ça, hein, on est chaud. Théo nous a demandé d'aller voir Sony, le fils aîné. Qui connaît bien le business. Peut-être qu'il a peut-être des noms de personnes qui pourraient leur vouloir du mal. Bonjour monsieur, vous êtes Sony? Ah non, moi c'est Philips, son pote. Sony c'est le gars dans le frigo là-bas. Oui, puis après on va tomber sur LG. Hein. Sony? Oui, bonjour. Vous êtes tous les Kardashian? Non, nous, bah merci, mais non. On serait plus les Kardashian, mais non, on est les Actes Solides. Ah ouais, les Actes Solides. Ah, vous, je sais que je peux faire confiance. Oui. Vous voyez le frigo ici? En fait, c'est un coffre-fort. Et là, je compte les recettes de la journée. Vous voulez m'aider? Ouais. Pas trop vite. Alors, on a racketté chez Jim Morrison, 5 000. Chez Joseon, 3 000. Chez Barbra Streisand, 4 500. Oh! Chez Smoke and Coke, 6 000. Chez Tonton Rego, ah non, lui, on l'a tué la semaine dernière, ça. Ah merde. dans la Kava Sutra. 3000 traces. Combien? 3000 traces. Chez Jurassic Park, 4700. Oh non! Attends. 3, 4, 5, 6. Chez Walking Grade, 2000. Et au Titanic, 5000. On est à combien? Moi, je suis à 33500. Pareil. Ok. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Sachant que j'en touche un cinquième, ça me donne combien? Oh non! On a dit combien? 33000? Un cinquième? 33500. 33000. J'en touche un cinquième. 500. Ça me donne combien? J'aime bien la musique que j'ai mis en forme. 6700. Ah, ok. C'est pas mal. Ça le fait. C'est pas mal. Bon, allez. Sortez du frigo. Il fait freddo. Okay. À bientôt. Par contre, Théo, tu m'avais donné un stylo qui n'écrit rien. Ah. Alors du coup, j'écrivais sans vouloir écrire. Autant pour moi. Bon, va bah, peut-être que falloir aller revoir le parrain si vous avez tous les éléments. C'était quoi votre... Fredo. Est-ce que vous pouvez peut-être traduire? Parce que Fredo, c'est, il avait l'air de parler bah, italien. Je pense que Fredo attendra le moment du repas pour lâcher sa bombe. Et pas une caisse, pas une paye. D'accord. Donc allez revoir le parrain, peut-être qu'il va pouvoir vous en dire plus. Ouais, d'accord. Bonjour, c'est le parrain. Et c'est toujours nous. Ah, entrez. On arrive. Alors, vous avez des renseignements? Oui, on pense que c'est Fredo qui... va lancer une bombe au moment du repas. Oh, Fredo! Ah oui, je sais qu'il me voulait de l'argent. Je sais qu'il veut le pouvoir, Fredo. Il va faire quoi? Lancer une bombe au moment du repas. Oh mince! Une bombe, pas dans la piscine, hein? Non, j'ai bien peur que non. Ah, j'ai bien peur que ça non, sera un également. Un peu plus explosif. Oh, merci de m'avoir prévenu. Il n'y a pas de problème. Le parrain, il va faire quelque chose de pas très correct, mais en attendez, même temps... on vous rend les revolvers, hein. On n'a plus besoin de nous. Vous voulez pas procéder au tir final? Non, ça va aller. C'est nous, comme on reste dans la légalité. Vous ne voulez pas vous amuser, c'est comme vous voulez. Et tenez, ça c'est votre petit billet. Merci. Un whisky? Une bière. Non, une bière. Ah pas. À bientôt chez le parrain. À bientôt parrain. À bientôt. Il est mignon ce parrain quand même. Il est chou. Musique de la victoire. Bravo. On écoute pas. Et encore un bon point pour l'équipe d'Actu Solide. Encore une victoire pour l'équipe d'Actu Solide. Décidément. Vous n- on les enchaîne. Vous les enchaînez. Décidément, vous ne reculez devant rien. Jamais. On a peur de rien. Même le parrain ne vous a pas fait même peur. Le parrain ne vous a pas fait peur. La semaine prochaine, mercredi soir, nouvelle enquête, nouvelle énigme à résoudre et peut-être nouvelle victoire. Ce mais sera à partir avant, de 21h. Le lundi. Ah, le lundi, il y a Starter. Starter. Ah, Starter pour starter la semaine. Ben ouais, avec les voitures de l'administration. Avec lundi. Théo et Teddy. Théo et Teddy. Ouais, ils sont que deux. C'est tout l'été. On est là. Donc plus ça va, plus y a Star, ça descend. Hein. Plus on est en équipe réduite. C'est pour ça on continue. Qu'on vous attend, voilà. Les gens. On vous attend, Indestar, vous voulez faire partie de l'équipe, vous habitez en Centre-Val de Loire, du côté d'Amboise. Venez rejoindre l'équipe, venez faire de la radio avec nous. Et en fait, exemple, j'ai dit prochaine émission Starter le lundi, mais non, demain on a P.K. Avenger. P.K. Avenger. Ils sont vraiment très beaux. Ça voilà. Dépend si vous les alors, regardez pas tous. De loin. Exactement, c'est Alain Delon. Donc c'est PK ça. Avenger, émission de pop culture demain, battle de quiz dans PK Avenger, ouais. Avec Teddy. Oui, avec Kevin, Thierry. Avec Daniel, avec Thierry et avec et toute la troupe. Linda qui sera là, Léa aussi sera là. Plein de quiz sur la pop culture. Voilà, et vous pourrez jouer évidemment avec eux. Là, je viens de voir le prochain titre que tu nous as mis et je me suis dit, ça fait longtemps. C'est vrai, j'y ai même pas pensé, mais c'est vrai qu'on en a pas eu là. On en a pas eu durant toute une émission. Donc il s'est dit, on finit en beauté. Il faut conclure dans la vie. Voilà. Il faut conclure par Anna Free, par une. Lover. Oh. C'est Anna Free pour terminer. Et n'oubliez émission. Pas la semaine prochaine, chasse aux œufs. Ah ouais. Le studio Indestar, ça peut être sympa. Non plus, faut pas qu'on oublie. Moi, entre temps, il se passe passer beaucoup de choses oui, en une mais semaine. Non, faut pas qu'on oublie. D'ailleurs, faut qu'on invite le gros Antoine. Parce que si on invite Antoine, il va dire « Oh, chasse aux œufs !» Il va venir, lui, s'il y a du chocolat. Ah ouais, ben quand il y a du chocolat, il y a beaucoup de gens qui viennent. Oui, je je pense qu'on va essayer d'inviter un peu de monde. Ce serait sympathique que tout le monde essaye d'inviter. Nous serons 42 dans le studio d'Indestar la semaine prochaine. Ah non, mais non plus. Genre, si on peut trouver 3 invités. Ouais, c'est bien 3 déjà. Ouais, faut déjà les supporter. Ouais, c'est vrai. Après, on les mettra dans le placard. Parce qu'ils nous ont fait chier. Hein. Bah ouais, hein, quand même. Bon, et hein. On les mettra dehors pour. Et tu sais qu'il est que 23h01. Ouais, on a géré on notre. Quasiment pas en retard. Mais en même temps, on va se dire, du coup, on prend beaucoup moins de. En fait, on prend plus de temps au début. Mm-hmm. Mais parce qu'on sait très bien que raconte-moi une histoire, il y a quand même deux histoires en moins. Oui, et puis après, on est efficace, efficace, voilà, efficace. Voilà, c'est ça. Nous, on tape dans le tas. Ouais, exactement. On n'a pas peur. Ouais. C'est tout. C'est tout. Voilà. On vous fait des bisous, les gens. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. Une fois qu'on finit tôt, on va les faire dodo. Non, c'est pas vrai. On va parler sur le parking pendant une heure. T'es comme le commandant. Commandant Cousteau. Ah bon, ça marche pas. C'est tombé à l'eau, comme le commandant Cousteau. J'ai rien bonne compris. Semaine à vous tous, les on copains. On finit sur la blague pourrie de Théo. Ah ouais, mais si vous la comprendrez, si vous avez plus de 20 ans. Allez, ciao. Bah, on a 23 bonsoir. Bientôt. Ouais, mais toi, t'es un culte. Oh merci. Salut tout le monde. Allez le taper, c'est pas sûr qu'il sera là encore la semaine prochaine. Peut-être qu'on sera pas. Que deux. Oh s'il vous plaît, non mademoiselle Amélie. Oh non oui, sinon je perds Henri. Oh oui mademoiselle Amélie. Bon, on fait des gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine et bon courage pour le travail. Moi je suis en vacances, ciao. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.